passages nuageux, peut-être une petite averse localement, mais ce sera assez faible, je vous rassure. On est deux dessus au degré des normales de saison. Aujourd'hui, 17 degrés sur les hauteurs, jusqu'à 22 degrés dans le centre du pays. Ce soir et cette nuit, le ciel va se dégager. Il commence à faire un peu plus frais la nuit. Hein. On a de 8 à 12 degrés prévus et seulement 5 degrés, peut-être même dans les vallées les plus encaissées de l'Ardenne. Vous écoutez Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Continuer à vivre normalement, qu'il disait, et pourtant la menace terroriste vient de torpiller les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Ouais, ce rendez-vous incontournable du folklore estudiantin est annulé. Les 24 heures vélo n'auront pas lieu cette année au grand dam des étudiants. Bah, on est complètement sous le choc. Pourtant, je suis pas une fervente fan des 24 heures vélo, mais rien que pour le principe, c'est vrai que ça a quelque chose de choquant. Pour moi, je trouve que l'état d'urgence a quand même bon dos. Il y avait moyen d'organiser quelque chose sans pour autant engranger des sommes maximum pour la sécurité. Donc après, je comprends que ce soit une décision étudiante. J'imagine qu'il y a quand même une concertation avec la commune et le bourgmestre. Ça nous laisse un sentiment d'inaccompli. C'est vraiment quelque chose de décevant parce que c'était un événement, et je ne sais pas, c'était la 40e édition, la 40e. 40e, oui. Voilà, donc en plus l'anniversaire, ça c'est vraiment, c'est quelque chose qui frappe. Des réactions d'étudiants recueillies ce matin à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, où vous vous trouvez, Sébastien Remacle? Sébastien, avec le niveau de menace terroriste qui est maintenu à 3, les organisateurs n'avaient donc pas d'autre choix que d'annuler l'événement. Ben, contraint et forcé d'annuler, peut-être pas, mais en tout cas, ils y étaient acculés, hein, Sébastien, car les frais à engager pour assurer cette sécurité, eh bien, cette année, ils étaient très importants, trop importants sans doute. Il fallait renforcer les contrôles pour accéder au site, 5 fois plus d'agents de sécurité à engager. C'était des dépenses non prévues qu'il faut compenser. Alors, les organisateurs ont demandé l'aide de la commune, le bourgmestre a dit non. On met déjà pas mal de policiers à disposition, il y a aussi le service travaux qui est mobilisé. L'autre piste envisagée à un moment donné pour faire rentrer de l'argent, c'était de demander un droit d'entrée aux étudiants qui participent, on le sait, très nombreux chaque année aux 24 heures. Mais là, on n'était pas sûr que ces étudiants participent aussi nombreux que d'habitude. Et puis, c'était l'esprit de la fête qui était peut-être un peu dénaturé. Les organisateurs se sont donc résolus à annuler ce qui était la plus grosse guindaille en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci Sébastien. Sébastien Remacle en direct de Louvain-la-Neuve. Le budget fédéral dérape méchamment. Le trou est 2 fois plus grand que prévu. Il faut désormais trouver 4 milliards 200 millions d'euros pour garder les budgets 2016 et 2017 dans les clous. Les recettes fiscales sont moins importantes que prévu et les dépenses en matière de sécurité et de sécurité sociale sont plus importantes. Le gouvernement va donc se serrer une fois de plus la ceinture, mais pas question de presser une nouvelle fois les citoyens, prévient Ahmed Laouège. Il est député fédéral PS dans l'opposition. Il faut arrêter de délivrer des messages qui conduisent les ménages aujourd'hui à être dans une forme de prudence. Les ménages ont subi des sauts d'index, des augmentations de TVA sur l'électricité. Tout ça n'est pas bon pour la relance de l'économie. Il faut aussi accentuer la lutte contre la fraude fiscale. Et puis, il faut très certainement aussi continuer à avancer, ce que le gouvernement Michel n'a pas fait, continuer à avancer dans la voie qui avait été tracée par le gouvernement d'Iroupo d'une plus grande justice fiscale. Et donc, autrement dit, de mettre davantage à contribution les revenus tirés de la spéculation, du grand capital. Ahmed Laouèche, député fédéral et membre de la commission finances et budget de la Chambre, il était joint par Anne-Sophie Breudanx. Charles Michel, le Premier ministre, a lui appris la nouvelle depuis New York. Il participe à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il prononcera son discours ce soir devant les chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Cette question, les firmes pharmaceutiques abusent-elles sur le prix des médicaments? Médecins du Monde en est en tout cas convaincu. L'ONG dénonce le prix exorbitant des médicaments. Exemple avec ce traitement pour l'hépatite C. Coût de production 100 euros, facture pour le patient plus de 43 000 euros. Une somme colossale pour les malades et la sécurité sociale. Vous avez d'ailleurs entendu ce matin le témoignage de Ludovic sur Vivacité. Ludovic qui a failli perdre sa maison pour pouvoir se soigner. Ça suffit, dit Médecins du Monde. L'organisation réclame des mesures comme par exemple supprimer les brevets de médicaments pour privilégier les médicaments génériques. Nous sommes dans un système qui est quand même un système capitaliste où il y a des règles et une de ces règles, c'est la protection des brevets qui est valable d'ailleurs. Intellectuelle. C'est valable d'ailleurs pour d'autres choses. Mmh. Et ceux qui ne respectent pas ces règles, en particulier copient les brevets, bah, vous voyez tous les problèmes qu'il y a avec les copies, le problème de la Chine, inonder le marché avec des copies. Donc les brevets doivent exister, mais il y a des conditions dans lesquelles le brevet doit être levé quand il s'agit d'épidémies, de conditions de santé publique. Et c'est là la discussion. Dans quelle situation on doit lever le brevet dans l'intérêt de la société et de la santé publique? Nathan Klumek, médecin et spécialiste des maladies infectieuses, il était au micro de Bertrand Haine et il soutient la campagne lancée aujourd'hui par Médecins du Monde, Test Achat et les Mutuelles. Après la question sur les médicaments, une question encore est trop souvent taboue. Comment gérer la sexualité des personnes âgées? Et oui, pas toujours évident de garder une vie intime quand on est en maison de repos. Un établissement de Mons mène en ce moment une expérience pilote. Elle organise des groupes de discussion entre résidents autour du couple, de la sexualité et de l'intimité. L'objectif est de démontrer que la vie affective ne s'arrête pas une fois qu'on rentre en maison de retraite. Stéphanie Vandrek. Lydie s'est inscrite à ce groupe de conversation sur l'intimité, avant tout pour passer le temps, par curiosité. On aime à tout âge, mais on ne le manifeste pas toujours aussi longtemps, peut-être. Si la vie amoureuse est en effet plus discrète, passée 80 ou 90 ans, elle reste bien présente. Et pourtant, le personnel des maisons de repos est souvent peu formé à aborder ces questions, comme le confirme Christine Calais. Elle est aide-soignante au foyer Saint-Joseph. À l'école, enfin moi je suis sortie en 99, donc ça date. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on parlait pas de sexualité des seniors, non. Enfin, c'est pas tabou, mais c'est vrai que c'est une discussion qu'on n'a pas forcément. Les choses changent, en tout cas, elles doivent changer, dit le milieu associatif, car les seniors changent eux aussi. Caroline Garin, du CPS de Mons. La génération 68 va seulement arriver en maison de repos. Donc on va avoir affaire à une génération qui sera beaucoup plus libérée que ce qu'on a peut-être connu actuellement en maison de repos. Et donc, je pense que c'est notre devoir aussi de préparer et le personnel et les directions. Offrir plus d'intimité aux résidents, frapper aux portes, leur donner accès à des pièces où s'isoler, voire les informer sur les maladies sexuellement transmissibles. Le chantier est vaste, mais de plus en plus d'établissements y travaillent. En France, une question aujourd'hui. Jérôme Kerviel va-t-il devoir rembourser la Société Générale? La justice française rend sa décision en appel aujourd'hui. L'ancien trader avait fait perdre près de 5 milliards d'euros à sa banque qu'il employait en 2008. Condamné au civil à rembourser l'intégralité de cette somme, il avait fait appel. Au pénal, Jérôme Kerviel avait aussi été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour manœuvre frauduleuse. Eh bien, mot de sport, Moucron-Bruges ce soir pour ouvrir la 8e journée de championnat. Oui, les deux clubs qui se sont qualifiés cette semaine pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique. Du tennis aussi avec David Goffin qui joue son quart de finale au tournoi de Metz aujourd'hui. Ce sera contre le Français Nicolas Mahut, 40e joueur mondial. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf, et c'est assez calme finalement ce matin sur les routes. Effectivement, sur le ring c'était compliqué il y a quelques minutes, mais là les temps de parcours sont en nette diminution. En circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, vous perdez à peine un petit quart d'heure. On peut ajouter un peu moins d'un quart d'heure même en circulation extérieure entre Ittres et le carrefour Léonard. Alors pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien, on perd moins de 10 minutes sur la plupart des axes qui convergent vers la capitale. Des ralentissements bien sûr dans les tunnels bruxellois, par exemple dans le tunnel Cinquantenaire et dans le tunnel Loire, ainsi que dans le tunnel Reyers en direction du centre. Et puis un camion est en difficulté en province de Liège. Il se situe sur l'A602 Long-Saint-Chesnay à hauteur des Guimains. Le passage est pratiquement impossible en direction de Chesnay et c'est là que l'on observe. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité sur la Une en télé. Dernier débat de la semaine, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Effectivement, pendant 2 heures, c'est en direct et sans filtre, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas. Voici, c'est vous qui le dites. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, d'après La Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que l'idée a du sens ou pas ? On sait donc depuis hier que le gouvernement doit trouver 4,2 milliards pour boucler son budget. Ce chiffre est énorme. Et la Libre affirme ce matin qu'une idée très taboue circule en ce moment dans les couloirs du gouvernement. Cette idée, c'est la suivante: contrôler le revenu réel des chômeurs. Un exemple, le chômeur qui possède des immeubles mis en location et qui perçoit des loyers, eh bien, pourrait perdre ses droits au chômage. La mesure concernerait également ceux qui ont d'autres revenus, une petite pension par-ci, un revenu mobilier par-là ou un revenu professionnel XYZ. À quel moment s'intéresserait-on au revenu du chômeur? Eh bien, après la phase dégressive des allocations, à partir du moment où le chômeur arrive donc à un montant forfaitaire, la mesure devrait ramener 100 millions dans les caisses de l'État. La question pour vous: d'après la Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que l'idée a du sens ou pas? Un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça? 24 heures vélo, plus de 30 000 personnes, vélo, fête, alcool, d'habitude dans toute la ville. Mais niveau 3 oblige, le ministère de l'Intérieur impose donc des mesures précises. Dans un premier temps, à Louvain-la-Neuve, on avait donc limité la fête à 3 sites fermés et surveillés. Et on avait, c'est une première, fixé un prix d'entrée à 2 euros. Problème, les dépenses liées à la sécurité se sont avérées 5 fois plus chères qu'en 2015, impayables par le comité étudiant. Le bourgmestre d'Autigny-Louvain-la-Neuve, qui ne veut pas commenter les finances et le seuil de rentabilité de l'organisation, mais qui commente quand même, explique que les étudiants n'ont pas voulu fixer le prix à 5 euros car cela aurait nui à l'adhésion du public. Mais peut-être qu'avec un prix d'entrée à 5 euros, on aurait pu financer la sécurité, donc le maintien de l'événement. Deuxième problème, les étudiants voulaient comme troisième site de fête le parking de l'Ola Magna, mais la commune n'a pas donné son accord pour éviter les nuisances sonores aux riverains. La question pour vous: un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste, est-ce que c'est mieux comme ça? Et puis au 070-233-466, vu les marges, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Voyons ce que vous payez, vos médicaments, est-ce que c'est un gros budget? Médecins du Monde, Testachet et les Mutuelles lancent aujourd'hui une grande offensive contre le prix des médicaments avec la diffusion d'une pétition qui sera remise à Maggie De Bloch, la ministre de la Santé. Certains médicaments, dit-on, notamment contre le cancer, sont vendus à 400 fois le prix de fabrication. Et vous avez entendu effectivement dans le journal de 7h de Viva l'histoire de Ludovic qui a failli perdre sa maison pour financer un traitement. Le collectif qui dénonce le prix des médicaments vise surtout les médicaments liés au cancer, aux maladies auto-immunes ou aux maladies rares. Mais dans le fond, tous les médicaments sont concernés puisque l'industrie pharmaceutique se ferait de marge, 20% de marge en moyenne. Alors c'est la question pour vous ce matin. Vu les marges, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Eh bien voyons ce que vous payez. Est-ce que vos médicaments, c'est un gros budget? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, non, c'est vous qui le dites. Des contrôles pour contrôler le revenu réel des chômeurs, les 24 heures vélo annulées et les médicaments trop chers. Pour entamer le débat ce matin, deux débatteurs de choix, Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et Karim Padoul, journaliste à la rédaction RTBF. Karim et Nawal, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, c'est donc l'idée, la petite rumeur, la petite mélodie dans les couloirs du gouvernement. On se dirigerait vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Donc ils ont l'allocation de chômage, mais s'ils ont des revenus autres, eh bien on pourrait peut-être les priver de leur allocation de chômage. Est-ce que cette idée, Nawal, a du sens ou pas? Oui, c'est une très bonne idée, je trouve. Surtout au bout d'un an et demi, c'est raisonnable comme délai, parfait. C'est après la phase dégressive. Position aussi pour vous, Karim. Est-ce que cette idée a du sens ou pas? Elle peut avoir du sens à partir du moment où il n'y a pas non plus d'abus dans le sens de la traque des abuseurs. Ah bah alors que dit le gouvernement, enfin que disent les rumeurs dans les couloirs du gouvernement, c'est que pour le revenu d'intégration sociale au CPS, on fait bien une enquête pour voir si la personne a vraiment besoin d'un revenu d'intégration sociale. Si on fait une enquête là, bon, on peut bien faire une enquête sur les chômeurs. Est-ce que ce parallèle tient la route? Il peut tenir la route. Alors, c'est clair que, enfin, on vient en plus de l'apprendre, que le gouffre budgétaire, il explose véritablement et qu'il faut aller chercher de l'argent un peu partout et qu'on va racler dans tous les tiroirs. Et effectivement, on se rend bien compte que ce sont les dépenses à caractère social qui explosent. Il faut juste éviter de penser que le problème est généralisé. Je vais prendre un exemple. On parle notamment de la personne qui bénéficie d'une allocation de chômage et qui est propriétaire. Certains allocataires de chômage ont été propriétaires à un moment où ils avaient un boulot. Mmh. Et puis ils tombent dans le chômage. On ne va quand même pas les priver. Si par exemple ils avaient un immeuble avec 2-3 appartements et donc ils ont un revenu locatif, on ne va quand même pas les pénaliser doublement. De un, parce qu'ils sont passés au chômage et qu'ils ne l'ont peut-être pas souhaité. Et de deux, on va en plus leur enlever le chômage parce qu'ils ont des revenus locatifs qui leur permettent parfois simplement de joindre les deux bouts. Alors l'argument pour Nawal qui était favorable à la mesure. Certains ont dit que jusqu'ici l'allocation de chômage, elle n'était pas liée à votre couleur, à vos revenus, à ce que vous aviez. L'allocation, c'est la même pour tous, ça ne dépend pas du profil que vous avez. Mais je trouve ça important quand même justement de prendre en compte, on le fait pour le CPS, de prendre en compte ses revenus immobiliers. Karim dit oui, ça leur permet de joindre les deux bouts. Il y en a qui n'ont pas ces revenus locatifs là. Et n'oublions pas qu'on est ici au bout d'un an et demi. Donc on laisse quand même la chance au chômeur de retrouver du boulot. Si au bout d'un an et demi, il n'en a pas, pourquoi est-ce que lui qui gagnerait des loyers de 3, 4, 40 appartements aurait droit au même chômage que celui qui n'a rien du tout ? En général, quelqu'un qui a 40 appartements, en général, il s'est constitué en société, il devient indépendant. Et non, puisqu'on parle de 100 millions d'euros épargnés, donc c'est bien la preuve qu'il y a des cas concrets actuellement. Ça, c'est autre chose. Je dis bien qu'il faut éviter de tomber dans l'abus, dans la traque aux abuseurs. Mais dans l'abus comment ? À partir du moment où on a sur une fiche, voilà, monsieur est propriétaire de X appartements, on ne peut pas abuser, je ne vois pas comment on ferait pour abuser. On est propriétaire, on a des revenus locatifs ou pas, oui ou non, point barre. Il n'y aurait pas d'abus possible. Et que fait-on du petit propriétaire qui a uniquement son bien immobilier, qui est au chômage ? Mais parce on ne parle pas des propriétaires qui ont leur bien immobilier, bien évidemment. On parle de revenus locatifs. Attention à ne pas être excessif. Et il faut un peu tordre le cou parfois à certaines rumeurs qui font croire que le problème est extraordinaire ou que le problème... Non, mais en tout cas, ça permettrait d'épargner 100 millions d'euros. Je me méfierais des projections budgétaires quand on sait qu'on se gourre quasiment tous les 6 mois, qu'on nous annonce un gouffre de 2 millions et puis qu'on passe à 4 millions. Donc, 100 millions sur un trou de 4 milliards. Moi, je me méfierais. 100 millions sur un trou de 4 milliards, si l'estimation est vaguement correcte. 100 millions sur 4 milliards, ça sert à quelque chose ou c'est inutile ? C'est déjà pas mal, c'est un début et je le répète encore une fois, c'est au bout d'un an et demi. C'est pas directement. On ne va pas stigmatiser les chômeurs, non, pas du tout. C'est au bout d'une certaine période où on les a laissés chercher un emploi. C'est une réalité. Il y a des gens qui sont au chômage pendant 20 ans, qui ont 3 immeubles et qui continuent à être au chômage. Eh bien, c'est ces gens-là qu'on pointe et c'est ça que ça ne va pas. On dit simplement, c'est qu'on nous propose ici une mesure sans penser à d'autres mesures, sans nous avancer d'autres mesures. On a eu le cas Caterpillar et on a gossé, pendant plusieurs jours sur « Ah, on a aidé, comment ferait-on pour récupérer ?» Parce que Caterpillar s'en va et fout 2000 personnes à la porte. Attendez, voyons dans ce dossier allocation supprimée qui partage votre avis ou pas. Moustier-sur-Sambre, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. D'après La Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que l'idée a du sens ou pas ? Oui, l'idée fait du sens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez déjà à peu près développé la plupart des arguments que je voulais émettre. Sauf que ça a l'air de stigmatiser les chômeurs. Vous entendez cette discussion, ce serait stigmatisant. Ce n'est pas la question de la stigmatisation, c'est la question du budget qui est limité et que les allocations aillent d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Oh, mais sauf que le principe de l'allocation ici, c'est qu'elle n'était pas soumise à des conditions. Notre système repose là-dessus. L'allocation va à chaque individu, quel que soit son profil, sa couleur, sa race, sa religion. On n'analyse pas les profils pour des allocations. C'est peut-être l'occasion de remettre ce beau principe en question. L'image que j'avais quand j'étais gamin, au milieu des années 70, c'était la femme du médecin qui allait pointer en Mercedes. Manifestement, cette dame n'était pas demandeuse d'emploi, elle était juste chômeuse. Je vous donne un autre exemple, Jean-Pierre. Il y a les revenus... Il y a la différence entre les deux. Il y a un autre exemple. Il y a les revenus immobiliers, donc venant de la location d'un appartement ou d'une maison, et puis il y a les revenus mobiliers. Donc on pourrait supprimer l'allocation de chômage à quelqu'un qui a peut-être un compte qui génère beaucoup d'intérêts. Ça a du sens ? Ça fait du sens. Je donne tout à fait raison à ce que Nawal a expliqué, mais je donne aussi raison à Karim dans le sens où il faut effectivement tenir compte d'un plancher ou d'un plafond de revenus décent. Il ne s'agit pas de traquer la personne qui possède son propre petit appartement, sa maison, et qui vient d'hériter de la maison de ses parents. Un chômeur qui a des actions en bourse, il mérite encore une allocation de chômage ou on peut la lui supprimer ? Je pense que oui, tout dépend effectivement du revenu dont il bénéficie. Il faut établir effectivement un plafond décent pour que les gens continuent à vivre décemment et qu'ils ne bénéficient pas d'une allocation supplémentaire qui peut être considéré comme superflu dans certains cas. Parce que ça va jusque-là, hein. Ça concerne aussi les revenus mobiliers, donc les revenus d'un compte d'épargne, les revenus d'une action, d'une obligation, autres produits bancaires. Je termine autour de la table et puis on en reste là sur ce débat-là. Pour l'instant, Nawal, un chômeur qui a des actions, mérite-t-il encore une allocation ou pas ? Mais c'est très simple, Benjamin. Un chômeur qui a des actions, si au bout d'un an et demi, il a des actions qui lui rapportent un montant supérieur au montant forfaitaire du chômage, c'est-à-dire 1000 euros, disons, je ne sais pas, je ne le connais pas par cœur, si ce montant-là est supérieur, eh bien oui, on doit lui supprimer son chômage. Partons du montant de base de revenu de remplacement, tout simplement. Je fais la question autrement, puisque enquête, il y aura un chômeur qui a des actions, c'est suspect, Karim ? Pas nécessairement. c'est pas nécessairement suspect. Permettez-moi juste encore une fois de faire un parallélisme. Il y a pas longtemps, on a parlé des allocations familiales. Mais alors ouvrons aussi le débat par rapport à ces ménages. Papa, maman travaillent, gagnent très bien leur vie, ont 3-4 enfants et perçoivent des allocations de chômage qui pourraient être versées à d'autres familles. Voilà, enfin, je veux dire, on peut aussi ouvrir ce débat-là, pourquoi vous, pas. Vous avez les éléments, pourquoi pas. Commençons par celui-là. D'après la Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que l'idée a du sens ou pas ? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Un monument du folklore annulé. Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, annulé pour des questions de sécurité, terroristes. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ensuite, les firmes pharmaceutiques et leurs marges à propos de médicaments. C'est un gros budget chez vous ? Et puis 10h45, la question qui dérange avec un petit événement, PS et CDH auraient trouvé un accord pour supprimer la redevance TV en Wallonie. 1. Est-ce que c'est vrai ? 2. Comment ils vont récupérer 120 millions ? Avec une autre taxe ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. En ce moment, chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi ? Il y a un château aussi ? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/Kortenberg. Vivacité présente Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec la DH et la 2. En télé sur la Une, avec 11 médailles, les Jeux ont été fantastiques pour les athlètes paralympiques belges. 5 en or, 3 en argent et 3 en bronze, le Brésil a souri à la Belgique. Tournée générale. Un grand merci à tous nos athlètes d'exception. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec vous et on verra quelle conversation s'impose avec Nawal Ben Salem, la dernière heure les sports, avec Karim Fadoul, journaliste RTBF. Un monument du folklore a donc été annulé. Pas de 24 heures vélo cette année à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qui imposent la menace terroriste. Il y avait des mesures à prendre. On a dit que l'événement allait être placé sur 3 sites fermés surveillés. Pour financer en partie la sécurité, pour la première fois, les organisateurs avaient fixé un prix d'entrée à 2 euros. Sauf que tout ça est excessivement cher. 5 fois le prix de 2015, les organisateurs ont dit stop, stop, stop. Est-ce que c'est mieux comme ça, Karim, d'avoir annulé? Parce que la menace terroriste, parce que le climat, ne prenons pas de risques. Il y a un climat, il y a des contraintes. Je rappelle quand même qu'il y a des règles à respecter, que les polices doivent respecter des règles, que les autorités communales doivent respecter une série de règles dans le cadre de l'organisation d'événements. Il faut s'y plier. Les organisateurs font en sorte de pouvoir s'y plier. Alors, il y a des raisons sécuritaires, il y a peut-être aussi des raisons techniques. Il y a peut-être aussi, on l'apprendra peut-être, des dissensions entre les différents intervenants dans ce dossier, la commune, les organisateurs, la police, les autorités de l'UCL. On le verra plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on ne peut pas assurer la sécurité des étudiants et des personnes qui participeront aux 24 heures, il faut prendre une décision. La décision la plus brutale, c'est l'annulation. Est-ce que vous supputez une peau de banane quelque part? Parce qu'il y a deux éléments. D'abord, il y a les étudiants qui veulent s'installer sur le parking de Lola Magna en site numéro 3. Le bourgmestre dit « Ah non, non, non, là, il y aura des nuisances pour les riverains. » Donc, il s'oppose à un lieu qui était stratégique. Première peau de banane potentielle, vous le direz, Nawal. Deuxième peau de banane potentielle, c'est que tout ça coûte très, très cher et qu'on n'a visiblement pas donné un sou supplémentaire aux étudiants pour le faire. Est-ce que vous supputez de la peau de banane en dessous? Ben, quelque part, en tout cas, ce qu'on peut supposer du moins, c'est que les autorités communales n'y ont pas mis du leur totalement dans cette affaire. Ça, c'est clair. On sent quand même une réticence par rapport à cet événement parce que effectivement, il y avait des obstacles. Hein. Le fait de dire non, on ne l'organise pas là pour les riverains. Est-ce qu'on a interrogé les riverains? Maintenant, du côté des étudiants aussi, je pense qu'on n'y a pas mis non plus toute la volonté parce qu'à un moment, on a proposé de maintenir l'organisation de l'événement à 5 euros, bon, qu'est-ce que c'était? Ah non, ça n'aurait pas permis de susciter l'adhésion du public. Mais on dit les étudiants au bourgmestre qui l'a rappelé sans le rappeler. Oui, mais bon, est-ce que les étudiants en sont certains? Peut-être que ces jeunes-là auraient fait un effort. Vous savez, face au terrorisme, il faut s'adapter de toute manière et nous sommes obligés de s'adapter aujourd'hui, demain, plus tard. C'est comme ça. Donc, peut-être que ces gens-là auraient pu faire un petit effort et voilà, payer cette année 5 euros. L'année prochaine, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Mais je pense que dans ce dossier, en tout cas, on n'y a pas mis du sien, tant du côté des autorités communales que des étudiants. Non. C'est dommage. Votre sensation sur l'argent, parce qu'on a demandé 2 euros, ben c'était pas assez pour tout payer, et 5 euros, ils n'ont pas voulu. Est-ce que ça, c'est une erreur, Karim? C'est une erreur. Enfin, je pense qu'ils connaissent un peu mieux que nous ce que peuvent donner les étudiants pour des animations comme des festivités comme celle-là. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas nier qu'il y a une menace terroriste et qu'il faut faire avec à chaque fois qu'on organise un événement. Je rappelle qu'on a annulé le feu d'artifice du Nouvel An l'année dernière. Je rappelle, pour reprendre une animation plus locale, Ascarbec, un carnaval Ascarbec, on a réduit considérablement le parcours parce qu'on ne pouvait pas sécuriser l'ensemble du parcours. Donc c'est le sens de l'ouvrage, c'est comme ça partout. Mais c'est comme ça partout. Il y a une énorme brocante qui a lieu en octobre à l'altitude 100 à Forêt et moi parce qu'on a dû annuler l'organisation de cette brocante parce qu'il y a énormément d'entrées pour pouvoir accéder à cette brocante et parce que la zone de police dit nous désolé mais on est déjà pris par toute une série de choses et qu'on ne peut pas en plus assurer la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il fallait des sites sécurisés. Très certainement que ça a joué, mais je ne nie pas le fait qu'il ait pu y avoir dans ce dossier-là autre chose. Ah, peut-être peau de banane. Demandons un avis à Verviers. André, bonjour. Oui, bonjour. Un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que c'est encore un clou dans le cercueil des étudiants. C'est une bonne façon de le dire. Les étudiants ont perdu la Saint-Verhagen, les cercles travaillent de moins en moins les manifestations. Nous sommes fréquemment en contact avec eux parce que nous faisons des friteries et les hamburgers pour eux sur l'ULB, sur la Saint-Verhagen, on est là depuis 14 ans. Et vous deviez vous installer au 24 heures vélo? Nous avons eu une réunion lundi avec les organisateurs qui avaient manifestement ce problème de déstructurer l'organisation puisque la place Agora, ils avaient peur que des terroristes viennent mettre des bombes dans le parking. Ben, il faut faire un parking, point à la ligne. Attendez, traduction André, donc vous perdez un moment économique qui était pour vous important, c'est pour ça que vous semblez déçu parce que vous perdez un peu de sous? Non. C'est partout. Depuis novembre l'année passée, on a perdu la Saint-Verhagen, on a perdu la brocante de l'ULB. Je ne vous passe les détails, vous venez de citer l'altitude 100. La Gay Pride a été déplacée. Elle n'était plus qu'un quart de Gay Pride. Mais André, que ce soit clair dans mon esprit, qui a perdu, la liberté ou votre rentabilité? Que ce soit clair dans nos esprits, qui a perdu, la liberté, la vie ou votre caisse? un peu tout. La caisse, ben, ça c'est économique, on n'a pas le choix, mais pour la liberté, tous les sites sont anxiogènes, les gens viennent en regardant derrière eux. Ils n'avancent pas avec le sourire et la fête dans leur cœur. Ah, mais vous avez entendu dans le journal de 9h que certains étudiants étaient sous le choc, hein, sous le choc. André, on verra si on peut aller plus loin dans la conversation tout à l'heure. Rapidement, à propos de l'annulation de l'événement, c'est un choc, Nawal, pour les étudiants, c'est un choc. Bah, en tout cas, visiblement, oui, pour certains, ils sont tristes. Je trouve ça encore une fois dommage qu'on n'ait pas posé la question de manière plus large. Et je suis certaine que ces étudiants auraient été capables de payer 5 euros et l'événement aurait pu être maintenu. Voilà, il aurait fallu un effort. C'est un tsunami, parce qu'on a entendu ces étudiants choqués dans le journal de 9h bah, tout à l'heure. Ça fait 40 ans, Benjamin. C'est, je dirais, le rendez-vous du folklore étudiantin à Louvain-la-Neuve. Vous le supprimez, c'est comme si vous supprimez tout. Enfin, il faut se mettre à la place des étudiants qui attendent ce moment, qui cochent la date dans leur agenda. Et puis, quelques jours avant, on leur dit « c'est pas possible », même si, il faut quand même peut-être aussi préciser, c'est que la commune a fait en sorte que les choses se passent comme elles devaient se passer. La semaine dernière, il y a eu un conseil communal où a été votée l'ordonnance de police qui prévoyait l'ensemble des mesures. Après, il y a des discussions et ça ne fonctionne pas. Voilà, ce sera une annulation en plus. Oui, le bourgmestre a dit, d'Autigny-Louvain-la-Neuve, je ne veux pas commenter les finances et le seuil de rentabilité des étudiants, mais enfin, il a commenté quand même. Alors, question pour vous. Un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça? Dans un instant, le troisième débat sur la table, il paraît que les fermes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Le budget médicaments, c'est un gros budget chez vous? Et puis 10h45, la question qui dérange autour d'un petit événement. Le PS et le CDH auraient trouvé un accord pour supprimer la fameuse redevance TV en Wallonie. C'est Sud Presse qui l'annonce. Première question, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Deuxième question, si c'est vrai, comment ils vont faire pour récupérer les 120 millions que générait alors la taxe TV? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Ce dimanche, sur Vivacité, vous avez la parole pour commenter toute l'actu du foot. Dès 18h, c'est complètement foot. Avec David Oudret, Pascal Chimay et Benjamin Nicaise. Cuisine Dovi fête ses 36 ans avec 36 journées folles. Maintenant, lave-vaisselle gratuit, pack à induction plus casserole assortie en cadeau. Conditions sur dovi.be. Cuisine Dovi. Nous créons votre cuisine. Mitsubishi chez Renversante, conditions septembre en. Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ce samedi, dans le magazine Victoire, les tendances de la mode masculine de l'hiver. L'interview du rappeur Balogi, la révolution du costume sur mesure et les coulisses de la sellerie Hermès. Victoire spéciale homme, ce week-end, avec votre journal Le Soir. Demandez-le à votre libraire. Traverser l'Afrique ou parcourir l'Amérique? Lâchez-vous! Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Le troisième débat sur la table avec Nawal, la dernière heure avec Karim, journaliste RTBF. Vu les marges, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Qui le dit ? Eh bien, c'est ce trio constitué par Médecins du Monde, Testachat et les Mutuelles qui lance donc aujourd'hui une grande offensive sur les prix avec une pétition qui sera remise à Maggie de Bloch. Allez un peu voir ce qui se passe puisque par médicament, on parle en moyenne de 20% de marge et encore parfois c'est très impressionnant. Sur certains médicaments contre le cancer, eh bien le prix de vente est 400 fois supérieur au prix de fabrication. Voyons ce que vous payez, est-ce que vos médicaments c'est un gros budget ? Est-ce que vous avez déjà eu la perception, l'impression, Nawal, que les médicaments étaient chers dans ce pays ? Mais d'après ce que j'entends autour de moi, oui, bon, heureusement, personnellement, non, mais je connais des gens qui ont dû mettre de côté pour pouvoir économiser pour leur traitement. Alors, ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est qu'évidemment, quand on va 400 fois le prix du médicament, ben, on le fait parce qu'on sait très bien que ces gens-là n'auront pas le choix. Voilà, c'est ça, ou la mort, comme le dit Karim, exactement. C'est terrible. Et je trouve ça honteux. Je trouve qu'au niveau du ministère de la Santé, il faudrait réagir. Karim, vous pouvez dépatouiller alors le truc. Quand on reproche ça aux firmes pharmaceutiques, elles disent, mais il y a un coût de développement qui est énorme. Mais certains leur répondent, c'est pas vrai, le développement il est fait en université et l'université ce sont des fonds publics, donc ne venez pas dire que sur des fonds privés vous devez financer, dépatouiller ça. Il faut être honnête, il y a de la recherche et du développement et au sein des industries pharmaceutiques et au sein des universités il y a des collaborations qui peuvent s'opérer. Donc ça c'est pas un argument bidon, on doit payer des chercheurs, c'est pas bidon. Mais on doit payer des chercheurs partout, qu'ils soient financés par le public ou qu'ils soient financés par le privé. Je dirais à un moment donné il faut développer tout cela, mais n'oublions pas que ça reste malgré tout un commerce. On parle quand même de milliards et de milliards de médicaments qui sont vendus chaque année partout dans le monde, et qu'à un moment donné, quand vous avez un marché avec... Enfin, c'est la simple loi du marché, hein, vous avez l'offre et la demande est très forte, l'offre, elle est ce qu'elle est, vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas y couper, que le public ne peut pas passer à côté d'un médicament quel qu'il soit, pour soigner un truc bénin comme un truc hyper grave et un mal super profond. Il y a de l'argent à se faire, c'est une évidence. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de régulation. Alors, on ne peut réguler que le marché, je dirais, en Belgique. On ne peut pas réguler les médicaments qui viennent de l'étranger, les copies qui viennent de Chine, ce qu'on achète sur Internet sans passer par les filières classiques comme les pharmacies où il y a un peu plus de contrôle. Ben, c'est tout ça qu'il faut organiser, oui, mais alors... pour faire en sorte que le malade, lui, s'y retrouve et financièrement et au niveau de sa santé. C'est un peu naïf cette pétition, Nawal. Si ce sont des grands groupes pharmaceutiques importants et qu'il y a des lois de l'offre et de la demande, la pétition Testachat, Médecins du Monde et Mutuelles, c'est un peu naïf ? Mais je dirais que c'est mieux que rien. C'est effectivement un peu naïf dans le sens où je ne pense pas que ça va changer demain, mais en tout cas, il faut commencer par le début. Voilà. Et s'il n'y a pas cette pétition, en tout cas, il n'y aura jamais aucun changement. C'est un petit espoir qui ne changera peut-être pas grand-chose, mais quand même, c'est pas mal. Un avis à Malmedy. Evelyne, bonjour. Oui, Benjamin, bonjour. Eh bien, dans ce débat, voyons ce que vous payez. Est-ce que vos médicaments, c'est un gros budget ? Ben, disons que le médicament pour le cancer en lui-même était remboursé à 100% pour le cancer du sein dont je bénéficiais du médicament. Mais il y a tous les effets secondaires avec ces médicaments. Et je peux vous dire, sur les intestins, c'est tout la bouche, la peau, les articulations. Et tous ces médicaments, on en essaye un, puis on a d'autres effets secondaires. Donc tout ça, ça gère un budget de, je sais pas, 250, parfois 300 euros par mois. Et tout ce qui n'est pas propre au cancer, moi je bénéficiais d'une assurance hospitalisation, ça n'est pas pris en compte non plus. Donc c'est 250, 300 euros par mois, vous avez dû sortir ça de votre poche. Oui, tout à fait. Pendant combien de mois ? Je voudrais aussi pousser, si vous le permettez, un énorme coup de gueule, et je pèse mes mots, j'accuse de complicité les médecins et les pharmaciens avec certains laboratoires pharmaceutiques. Ah, ils sont de mèche. Je prends pour exemple, et ça concerne toute la population, les antidouleurs. Et je pense que si j'en cite trois, la loi m'autorise à les citer pour la publicité. Evelyne, donnez-nous simplement le mécanisme. Ça veut dire quoi ? Que des médecins vous donnent des antidouleurs qui sont conseillés par des firmes pharmaceutiques qui ont donné un petit cadeau aux médecins ? Quand vous rentrez dans une pharmacie, vous voyez une montagne de d'afalgan. Ces d'afalgan coûtent, et je viens de téléphoner à la pharmacie avant de vous contacter, les d'afalgan coûtent 12,39 € pour une boîte de 50. Il existe exactement les du paracétamol en 1 gramme, la même chose. Soit en Teva, une boîte de 100 coûte 11 euros. Ah ben vous savez que les médecins sont obligés, souvent, parfois, de donner le générique qui est moins cher, ou les pharmaciens doivent avoir un regard là-dessus. Evelyne, j'entends votre colère. Dernière chose, très rapidement, messieurs, dames, autour de la table. Est-ce que les pharmaciens et les médecins sont de mèche? Votre sensation, oui, non, Nawal? Mais Evelyne a raison, je pense. Certains sont de mèche, pas tous, heureusement. Mais on ne parle pas que des médicaments contre le cancer, on parle des sirops pour les enfants, des médicaments pour peu importe quel traitement, mais oui, ça arrive. Ils sont de mèche? Oui, j'irais plus les médecins que les pharmaciens. Plus pas les tous, bien évidemment, on ne va quand même pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession. Mais certains médecins, effectivement, font la promotion de certains médicaments. Si vous savez, vous direz. Karim, Nawal, bonne journée, messieurs, bonne dames. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. D'après La Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que l'idée a du sens ou pas? Ensuite, un monument du folklore annulé. Pas de 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qui imposent la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et puis, vu les marges, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Eh bien, voyons ce que vous payez. Vos médicaments, est-ce que c'est un gros budget? 070-233-466 par SMS au 3060. Liège. Nathalie, bonjour. Bonjour. Voilà l'idée dans les couloirs du gouvernement. On contrôle le revenu réel des chômeurs et s'il a trop, on lui supprime le chômage. Ça a du sens? Tout à fait. Normal. Tout à fait normal. Pourquoi tout à fait normal? Par mon métier, j'ai l'occasion de rencontrer des chômeurs qui ont notamment des appartements. Allô? Quel est votre métier? Je préfère pas le dire. Ok, donc vous êtes en contact avec des chômeurs qui ont des appartements. Le leur? Non, ils ont des bâtiments qu'ils ont transformés. Et ils ont parfois 2 à 3 appartements. Et avec ça, ils peuvent ils vivre? Ils ont des loyers équivalents à 3 loyers, par exemple, de 5 ou 600 euros, plus leur chômage, plus les allocations majorées, plus les bourses d'études, plus. Résultat, ils gagnent plus que moi qui travaille. Oui, mais, s'ils ont eu ces appartements au moment où ils travaillaient, on ne peut pas les pénaliser. Non. Parce que déjà, ils ont des prêts sociaux. Des prêts par les organismes de fonds du logement, etc. Et donc, ils ont déjà payé moins cher pour le prêt que le commun des... Donc, je vous donne le moment. Alors, Nathalie, on ne va pas supprimer le chômage directement, non, mais après la phase dégressive, quand on arrive vraiment au montant forfaitaire. Parce que vous savez que quand on arrive au chômage, on a un montant, puis un montant plus petit, puis ça descend jusqu'au forfait. Ça vous va comme méthode? Oui. On applique comme on applique pour le minimax, c'est tout. Ça me paraît d'une logique implacable. Parce qu'il y a enquête au CPS pour le revenu d'intégration sociale. Même mécanisme, c'est dans les couloirs du gouvernement pour combler ce trou de 4,2 milliards. Le RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Un objet encombrant sur l'E19 qui relie Mons à Bruxelles à hauteur d'Arken dans la zone de travaux. La bande de droite est encombrée en direction de Bruxelles. Il s'agit d'un socle de signalisation de chantier. Et puis des déchets de pneus sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur d'Elessine. La bande de droite est encombrée en direction de la capitale. Pour rejoindre Bruxelles, vous perdez 15 minutes sur l'E429 tournée Halle à l'approche de Halle. Sur les autres axes qui convergent vers Bruxelles, vous perdez à présent moins de 10 minutes. Et la circulation s'est même fluidifiée sur le ring. Elle reste néanmoins légèrement dense en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, et puis ça ralentit toujours dans les tunnels bruxellois. Et puis à Bruxelles, on nous signale à l'instant un accident dans le tunnel Léopold 2 au niveau de la sortie Isère. La bande de gauche est neutralisée en direction du Midi. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, à Watermal Boisfort, Mickaël, qui était victime d'une hépatite C, viendra nous dire si les médicaments dans ce pays, ça coûte cher. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et on passe la première. première, puis la deuxième et la troisième. Bien, souple le poignet et un et deux et la troisième. Bien. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça à ce propos? À ce propos, ce n'est pas du tout mieux comme ça pour Julie Denivelle. Elle est ancienne étudiante de Louvain-la-Neuve et elle est tout à fait furieuse ce matin. Depuis les attentats, le gouvernement répète de continuer à vivre comme avant, de ne pas se laisser dépasser par la peur. Et pour finir, eh bien, ils annulent les 24 heures vélo, ce n'est pas normal. Pour Julie, c'est tout simplement insensé. Les 24 heures vélo, c'est la référence de Louvain-la-Neuve. Cette fête est certes un peu débauchée, mais les annuler, eh bien, c'est une immense perte pour le folklore estudiantin. Pourquoi supprimer les 24 heures vélo alors que le doudou à Mons, seulement 3 mois après les attentats, n'a pas été annulé, le bal des Buzets en juin n'a pas été annulé, ou encore le week-end passé, les fêtes de Wallonie n'ont pas été annulées non plus. Pour Julie, c'est vraiment de l'injustice. C'est vous qui le dites, c'est à Watermal Boisfort. Mickaël, bonjour. Bonjour. Et donc, d'après Médecins du Monde, Testachet et les Mutuelles, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Eh bien, voyons ce que vous payez, puisque vous avez contracté l'hépatite C. Est-ce que ça a été un gros budget médicament? Le médicament pour un Union européen coûte dans les 60 000 euros. Il n'est pas pris en charge par la mutuelle, sauf si tu es dans la case de cirrhose, voilà, fin de vie. Sinon, il faut sortir toi-même cet argent. Vous avez dû sortir 60 000 euros? Non, j'ai eu la chance de trouver un groupe de support en Angleterre qui m'ont fait une connexion en Inde et je me suis acheté le traitement générique qui est vendu en Inde pour les patients atteints d'hépatite C et ça m'a coûté un maximum de 2000 euros. Et maintenant, je suis guéri. Mais ce médicament... Cette année 2016. Ce médicament, heureusement, vous êtes guéri, mais ce médicament était de qualité similaire à ce que vous auriez acheté ici à 60 000? Identique. C'est le médicament vendu en Inde pour les patients atteints d'hépatite C. Et pourquoi là-bas il est à 2000 et ici à 60 000? Parce que l'Europe a un accord avec les États-Unis concernant les brevets de médicaments et l'hépatite C par exemple, n'est pas le domaine de la santé n'est pas un intérêt national. En Inde, c'est un intérêt national. Ils ont aussi le même accord avec les États-Unis, mais en Inde et en Chine, on dit ce médicament-là, c'est intérêt national. On va vous donner le prix que nous, on va établir et on va le produire ici. Mickaël, vous savez qu'il y a des frais de recherche, des frais de développement, j'en perds la voix, 20% de marge par médicament. C'est énorme ou pas? C'est énorme. Et la raison avec les frais de recherche qui coûtent énormément, les frais de recherche énormément sont aussi, par exemple, dans l'industrie de guerre. Où les producteurs d'armement, ils ne peuvent pas imposer leur prix et le vendre à qui ils veulent, et ils acceptent ça. Les armes produites en Belgique, on ne peut pas le vendre en Iran ou en Corée du Nord. Ah ben ici, les industries pharmaceutiques, elles imposent leur prix comme elles veulent apparemment, hein, puisque certains produits sont vendus à 400 fois le prix de fabrication. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? C'est la sous-question, puisque c'est la loi de l'offre et du marché. Mickaël, on verra si cette conversation peut aller plus loin tout à l'heure, maintenant que j'ai récupéré ma voix. Liège est en ligne. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui le dites. Un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, je pense pas que c'est mieux comme ça. Nous, personnellement, à Liège aussi, on a un événement qui est l'Unif Festival qui va avoir lieu le 6 octobre. On a aussi reçu des communiqués de la police et de la ville de Liège qui demandaient de rehausser les consignes de sécurité. Et ça nous a quand même fait une augmentation de budget assez importante. Mais bon, voilà, on était à deux doigts de l'annuler. Mais heureusement, on a trouvé un partenariat qui va nous permettre de pouvoir organiser l'Unif Festival sans problème. Donc, alors, donnez-moi votre avis sur Louvain-la-Neuve. Donc, Louvain-la-Neuve, l'organisation des études dit au départ, bon, vu que ça coûte cher, on va demander 2 euros d'entrée, ce qui n'est jamais arrivé. Et visiblement, ça n'a pas suffi, vu le coût de la sécurité. Et les étudiants ont refusé de demander 5 euros par entrée. Ils auraient dû, ou 5 euros, c'était vraiment dissuasif? À mon avis, c'était dissuasif. Il faut savoir que les soirées étudiantes sont souvent gratuites ou à prix... à bon rapport qualité-prix, et les 5 euros, ils ont peut-être pensé que la demande d'étudiants sur le site allait diminuer, qu'ils ne rentreraient quand même pas dans leurs frais. Oui, mais il boit un verre, l'étudiant. L'étudiant, il boit un verre, donc il a quand même un budget de 5 euros au minimum. Oui, il boit un verre, mais bon, il y a aussi le fait que les étudiants achètent avant à l'extérieur d'un site et puis arrivent sur un site avec la boisson, donc ne consomment pas nécessairement sur le site. C'est ça qui est difficile avec les étudiants, c'est que c'est un peu aléatoire. Certains consomment sur site, d'autres ne consomment pas sur site. Donc ça change beaucoup, mais je crois que les entrées pour les étudiants, ça ne change pas. Ça n'aide pas à amener l'affluence de l'étudiant. Il faut trouver d'autres solutions. Pour nous, la meilleure solution, c'est que ce soit, par exemple, dans notre cas, la province de Liège, qui prenne en compte les frais de sécurité, vu que de toute façon, je ne pense pas, pour l'heure en tout cas, avec la province de Liège, il y a des événements importants qui aient lieu en même temps dans toute la province. Donc, sur le soutien des autorités, alors Laurent, donnez-moi un avis sur Louvain-la-Neuve. Donc, il y a un autre problème, c'est que les étudiants voulaient comme troisième site de fête le parking de Lola Magna, et là, la commune a dit non, non, non, nuisance sonore aux riverains. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a mis une peau de banane sous les pieds des étudiants? Oui, si, exactement. Parce que oui. Une soirée, c'est une soirée, c'est quand même les 24 heures, c'est mythique, je crois, dans toute la Belgique. Donc, allez, je crois que tout le monde peut donner un choc. Peu, mettre de l'eau dans son vin, je veux dire. C'est un choc? Un choc, oui, une grosse déception. Je crois que tout le monde avait déjà prévu, en tout cas, dans le monde estudiantin, cette date-là, dans son agenda, etc., pour pouvoir s'organiser. C'était à la fin du mois, De Liège qui y vont. Donc, voilà, pour tout le monde, c'est un choc, je veux dire. Choc et déception, les deux. Choc et déception. Dans un instant, nous serons à Saint-Georges-sur-Meuse. Pierre viendra nous dire si c'est logique de contrôler le revenu réel des chômeurs et s'il a trop de revenus par ailleurs, eh bien, plus d'allocation de chômage. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Ce message s'adresse à vous, qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Au poireaux, au poireaux, ton goût juteux glisse dans la bouche. Complètement belge, sweet sensation, séduisez-nous au poireaux. Les poires sweet sensation, juteuses et belges, maintenant dans tous les magasins prêts à vous séduire. Au poireaux, au poireaux, sweet sensation. En télé, sur la une. En plein cœur de Bruxelles, vous allez pouvoir chanter et danser à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une soirée incontournable. Alice Underwoof, Soul, Kid Noise, Buggy et plein d'autres artistes vous attendent. Rendez-vous Grand Place, présenté par Wally Desmorines, c'est samedi soir sur la une. Et Et au 070-233-466, Marion, sur la table, vu les marges, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Eh bien, voyons ce que vous payez. Vos médicaments, c'est un gros budget à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Luigi Derkeline, oui, les médicaments, c'est un gros budget, c'est toujours trop cher. Luigi a la chance d'habiter près de la frontière française et quand il doit acheter des médicaments à la pharmacie, eh bien, ce que Luigi fait, c'est simplement traverser la frontière. Il dit que la différence est assez énorme. Il donne cet exemple pour le même médicament qui coûte 3,50€ en France. En Belgique, il le paye 13€. C'est vous qui le dites, Saint-Georges-sur-Meuse. Pierre, bonjour. Bonjour. Donc vous savez que nous avons un trou dans le budget de 4,2 milliards. Et d'après la Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop, par ailleurs, va perdre l'allocation de chômage. Ça a du sens ou pas? Non, pas du tout. Je trouve ça vraiment honteux et dégoûtant. On est en train de diriger les gens, enfin, diriger le regard des gens de nouveau vers les chômeurs. De nouveau sur les minimectés. Eh bien, je vous fais les questions. Un chômeur qui a des actions et des obligations, donc des produits de bourse, c'est normal? Il aurait très bien pu partir une semaine à la mer belge et à la place de ça, il s'est acheté des actions. Et d'une façon ou d'une autre, je suppose que ça doit apparaître dans sa fiche d'impôt. Et s'il gagne trop, à un moment donné, ça doit être taxé. Donc je ne vois pas où est le problème. Un chômeur, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure. Un chômeur, c'est Nathalie qui le racontait, qui a 2 ou 3 appartements et donc qui perçoit 2 ou 3 loyers. Est-ce qu'on doit vraiment encore lui donner une allocation? Mais bien entendu, parce que le revenu qu'il va avoir sur ses appartements va générer aussi peut-être des travaux à payer, d'aménagement. Il va peut-être y avoir une fuite au plafond que l'assurance va pas payer. Il y a du risque dans tout ça, c'est pas l'argent qui tombe du ciel. J'ai entendu une dame tout à l'heure qui disait que c'était honteux que les gens touchent des loyers comme cela. Mais alors, à un moment donné, quand on est chômeur, on n'a plus le droit à être un peu plus riche. Et quand on est trop riche, alors on en a le droit de se payer des avocats et être tranquille. Donc on est en train de tuer la classe moyenne, quoi. Mais au-delà du principe, il faut regarder ailleurs. Et on nous dit, regardez au CP. Quand quelqu'un vient pour le revenu d'intégration sociale, on enquête, on vérifie si cette personne a vraiment besoin pour ne pas gaspiller l'argent public. Si on le vérifie pour un allocataire social du CPS, on peut bien le vérifier pour un chômeur, non? Oui, je ne suis plus d'accord avec ça. Je trouve que ces 2 dernières années, depuis que le gouvernement a changé, on est en train de contrôler, comme si c'est devenu un état policier, et je suis contre l'exagération du contrôle. Il nous faut 4,2 milliards, et cette mesure pourrait rapporter 100 millions. Tout à fait, mais où sont-ils passés? Et où est cet argent? Qu'en a-t-on fait? Pourquoi est-ce que maintenant c'est les plus pauvres qui doivent payer les erreurs des gestionnaires qui sont jusqu'à présent encore impunis? Tous ces ministres qui font des budgets, je crois que ce sont des professionnels qui ont fait des universités en général, ils ont des équipes de gens autour d'eux. Comment font-ils pour faire des si grosses erreurs de budget? Pierre, c'est normal qu'un chômeur ait de l'argent de son activité d'indépendant complémentaire, puisqu'on peut être chômeur avec une activité d'indépendant complémentaire. C'est normal? Mais je trouve que ça va dans le sens d'un projet du MR, par exemple, qui parle de revenu universel. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un pourquoi pas, mais sur le reste, vous m'avez dit état policier. On ne contrôle pas les chômeurs. Les allocataires du CPS, d'accord, mais pas les chômeurs. Anguien, Sophie, bonjour. Bonjour. Un monument du folklore est annulé. Pas de 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Avant de nous dire si c'est mieux comme ça, est-ce que vous êtes sous le choc? Sous le choc, je dirais plutôt déçu, vraiment déçu. Parce que j'avais déjà pensé, enfin on avait déjà réfléchi à peut-être y aller ou pas, et si on y va comment. Enfin voilà, on avait déjà commencé une organisation pour y aller y a déjà quand même quelques mois. Oui, mais contexte terroriste, si tu sais pas payer la sécurité, eh ben tu fais pas tes 24 heures vélo. Oui. C'est un point de vue. C'est ce qui s'est passé, c'est pas mon point de vue, oui. C'est ce qui s'est passé. Non. Ils n'ont pas su payer, et ben il n'y a pas. Mais après, ils n'ont pas su payer, mais il n'y a pas. Mais par contre, tout ce qui est. Tous les autres événements folkloriques, genre le doudou, il y avait quoi d'autre aussi? Ils ont su payer, il y a eu. C'est vraiment dommage que ça soit une question d'argent et. Mais ils n'avaient qu'à mettre l'entrée à 5 euros, c'est ça la question, sous question de ce matin. Pourquoi les étudiants ne mettent pas l'entrée à 5 euros? Ils avaient déjà bien franchi un pas en disant, prix d'entrée cette année pour la première fois de l'histoire, à 2 euros, ils pouvaient augmenter un peu. Mais je ne sais pas c'est qui, quels étudiants n'ont pas voulu non plus, je veux dire, est-ce que c'est l'association qui organise les 24 heures vélo, l'association étudiante qui organise, les organisateurs, c'est pas la ville, ce sont les étudiants. Est-ce que 5 euros ça allait faire fuir le public? Non, je pense pas, parce que il y a eu le bal des Buzés l'année passée. Donc 3 mois après les attentats, il y a eu le bal des Buzés et ils ont payé une entrée. Et c'était combien le prix d'entrée? C'était combien le prix d'entrée? Il me semble que c'était, je dirais 3 euros dans mon souvenir, c'était 3, ouais, entre, 3 euros il me semble. Ah ben 3 c'est moins que 5, parce que la conversation porte sur 5. Si le débat va plus loin tout à l'heure, on va voir si 5 euros c'est dissuasif pour les étudiants, ou si ça fait juste une ou deux bières en moins. Sophie Anguien. Après l'info, quelle est la conversation que nous mènerons? Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Mais enfin chérie, qu'est-ce que je viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'en ai ras tout bas. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Au Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Ce dimanche 25 septembre, c'est le Loyalty Sunday chez Galeries Aynot. Ne le ratez pas, vous profiterez de moins 20% sur une grande sélection de marques dans tous nos magasins. Tous les styles vous y attendent. En plus, les bons Loyalty sont acceptés, voire conditions en magasin. Galeries Aynot, l'espace de style. Oh là là! Vous êtes sur Viva, il est 10h. Le Flash avec Catherine Tonnerreau, bonjour. Bonjour à tous et on commence avec cette fameuse tuile pour le gouvernement fédéral. Il va falloir trouver 4 milliards 200 millions d'euros pour équilibrer le budget jusqu'en 2017. C'est presque 2 fois plus que prévu. En cause, une croissance et des recettes fiscales revues à la baisse, des dépenses plus importantes que prévu. Les ministres vont devoir ressortir leurs calculettes pour présenter leur copie à l'Europe d'ici le 15 octobre prochain. On parle déjà de hausse de TVA ou de réduction de l'enveloppe bien-être, inacceptable pour l'opposition. Eux aussi planchent sur le budget. Les ministres wallons sont en conclave budgétaire ce vendredi. Une réunion qui devra composer avec cette action du PTB. Le PTB mène depuis quelques mois une campagne contre la redevance télé. Il compte remettre une pétition de 24 000 signatures en ce sens aujourd'hui au ministre wallon du budget. Les étudiants louvainistes font grise mine. Ce matin, les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve ont été annulées. Décision prise hier par le cercle sportif étudiant qui organise l'événement. En cause, l'explosion des coûts des mesures de sécurité dans le cadre du niveau 3 de menace terroriste. Pour sécuriser les lieux, le CSE devait notamment engager 5 fois plus de gardiens privés. Le bourgmestre d'Otigny-Louvain-la-Neuve dit regretter mais respecter cette décision. Une conférence de presse du CSE est attendu d'ici une heure. La 40e édition des 24 heures vélo devait se tenir les 26 et 27 octobre prochains. Cette macabre découverte dans un étang du bois de la Cambre, c'est une joggeuse qui a averti la police. Le corps d'un homme flottait, les pompiers l'ont sorti de l'eau hier soir. Il pourrait s'agir d'un homme porté disparu depuis plusieurs jours, mais son identité doit encore être formellement établie. Jérôme Kerviel va-t-il devoir rembourser la Société Générale? La justice française rend sa décision aujourd'hui en appel. L'ancien trader avait fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque qu'il employait en 2008. Condamné au civil à rembourser l'intégralité de cette somme, il avait fait appel. Au pénal, Jérôme Kerviel avait aussi été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour manœuvres frauduleuses. En football, ouverture de la 8e journée de D1 ce soir. Moucron reçoit le club de Bruges. Les Hurlus tâcheront d'aligner une deuxième victoire d'affilée face aux champions en titre. Match à suivre en direct sur Viva évidemment dès 20h30. Enfin la météo et une journée plutôt ensoleillée entrecoupée de quelques passages nuageux. On n'exclut pas une petite averse localement. Les maxima atteindront ce vendredi les 22 degrés. Le point RTBF Mobile Info, on retrouve Stéphane Piebeuf. Un accident à Bruxelles dans le tunnel Léopold II au niveau de la sortie Isère. La bande de gauche est neutralisée vers le midi. Ça ralentit dans les autres tunnels bruxellois. Sur le ring de la capitale, la circulation est fluide, à l'exception de la circulation intérieure où on perd 5 minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Et pour rejoindre Bruxelles, de très légers ralentissements sur le 429 qui vient de tourner à hauteur de Hall, sur le 19 en venant d'Anvers depuis Petit, et sur le 40 qui vient de Gand, entre le parking de Grand Bigard et l'échangeur de Grand Bigard. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 10h et presque 4 minutes et c'est vous qui le dites sur Vivacité. Vous retrouvez Benjamin Maréchal. Dernière conversation de la semaine. Avez-vous un avis? Voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, la question qui dérange avec un petit événement, puisque PS et CDH auraient trouvé un accord pour supprimer la fameuse redevance TV en Wallonie. Alors première question, Sud Presse l'annonce, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas encore de confirmation officielle. Et deuxième question qui dérange, si c'est vrai, on va récupérer les 120 millions que génère cette taxe, comment? Avec une autre taxe, point d'interrogation? Vous savez donc que la taxe TV, la fameuse redevance TV, les 100 euros par an, c'est un truc dont on parle depuis des années. Tout le monde voulait la supprimer, mais ce n'est pas encore fait. Et on nous annonce donc ce matin que le ministre PS du budget, Christophe Lacroix, serait parvenu à finaliser un accord qui est quasi historique avec le CDH. On supprimerait la taxe. On ne nous dit pas si on va la supprimer en un coup ou si on devra encore payer un petit peu et puis plus du tout dans les prochaines années. Mais il y aurait là un petit événement. Attention au piège. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom et des pistes à ce stade? Des pistes, bah évidemment, la plus évidente, c'est celle du ministre du budget, Christophe Lacroix. Je vais tenter de le joindre, je suis déjà en train d'essayer de le joindre. On pourra aussi tenter d'avoir le point de vue de Maxime Prévost, c'est le vice-président du gouvernement wallon, membre évidemment du CDH, puisque cet accord aurait été trouvé avec le CDH. Et vous vous souvenez d'une conversation que nous avions eue il y a quelques semaines, quelques mois même, sur ces huissiers qui avaient été mandatés pour récupérer la redevance TV que beaucoup de Wallons avaient oublié de payer. Vous avez dans ce dossier un éclairage, laissez-le à Marion Standard. Et le problème pour Hélène de Floreffe, c'est que le gouvernement ne peut pas se passer de ces 120 millions d'euros actuellement. Il va donc devoir trouver un autre moyen pour récupérer les 100 euros de la redevance télé quelque part. Alors pour Hélène, la suppression de la redevance télé, c'est juste une fausse bonne nouvelle. C'est une manœuvre politique pour qu'on se souvienne de Christophe Lacroix comme l'homme qui a supprimé la redevance télé. Un petit événement. PS et CDH auraient trouvé un accord pour supprimer la redevance TV en Wallonie. Première question qui dérange, Sud Presse l'annonce, mais ce n'est pas encore officiel. Est-ce qu'on est vraiment sûr que? Et deuxième question, si c'est vrai, on va récupérer les 120 millions que générait la taxe. Comment? Avec une autre taxe? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. D'après La Libre, on se dirige vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. L'idée a du sens ou pas? Un monument du folklore annulé, pas de 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve à cause des mesures de sécurité qu'impose la menace terroriste. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et puis, vu les marges, les firmes pharmaceutiques se font beaucoup de fric sur le dos des malades. Eh bien, voyons ce que vous payez, vos médicaments. C'est un gros budget? Trois débats au 070-233-466, Marion. Vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette idée du gouvernement. Contrôler les revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que cette idée a du sens? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Catherine Tonnerreau dans le flash, vous l'a rappelé il y a quelques minutes encore. On sait maintenant que le gouvernement fédéral doit trouver 4,2 milliards pour boucler son budget. Ce chiffre est énorme, beaucoup plus gros qu'espéré ou attendu. Et La Libre, le journal, affirme ce matin qu'une idée très taboue circule dans les couloirs du gouvernement. Bien sûr, personne n'en parle, mais l'idée est là. Contrôler le revenu réel des chômeurs. Un exemple, le chômeur qui possède des immeubles mis en location pourrait perdre ses droits au chômage. La mesure concernerait également les chômeurs qui ont d'autres revenus, ceux d'une petite pension par-ci, les revenus mobiliers par-là, c'est-à-dire un gros compte d'épargne, des actions, des obligations, d'autres produits bancaires ou quelques revenus professionnels comme celui de l'indépendant complémentaire. À quel moment s'intéresserait-on aux revenus du chômeur? Eh bien, après la phase dégressive des allocations, c'est-à-dire à partir du moment où le chômeur arrive à un montant forfaitaire. On pourrait donc, au bout de, disons, un an et demi après le début de l'allocation de chômage, vous la retirer. Après tout, le revenu d'intégration sociale octroyé par le CPS est lui aussi soumis à une étude des ressources et des revenus. La mesure qui concerne les chômeurs devrait ramener 100 millions dans les caisses. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Extrait de la première partie, que voici. On a visiblement un problème de son et de best-of de cette première partie. Peu importe, lançons-nous dans la conversation, puisque vous la souhaitez au 070-233-466, par SMS au 3063. Nous irons à Liège dans un instant. Jacques nous dira d'abord s'il est chômeur ou pas, ce sera une indication sur votre profil. Et puis nous verrons s'il faut sanctionner des chômeurs qui ont un revenu par ailleurs. Juste après la pub. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc là, c'est l'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là là, c'est... Bah ça c'est mon bouton de manchette. Ton bouton de manchette. Ah bah bien sûr, oui. Évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement deux chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, visitez le pavillon de vente sur le site. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rhodes-Saint-Genèse. Point.be. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Nivelles, portes ouvertes dans notre appartement témoin, c'est samedi et dimanche, de 14 à 17h, à l'angle de la rue Lévesque et de la rue des Déportés à Nivelles. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. La folle rumeur qui circule dans les couloirs du gouvernement, mais dont personne ne parle, l'idée taboue. D'après La Libre, certains gouvernements voudraient très clairement qu'on se dirige vers le contrôle des revenus réels du chômeur. Oui, le chômeur a l'allocation de chômage, mais parfois il a plus. Il a des appartements qu'il met en location. Parfois il a des produits bancaires, il a des actions, des obligations, des comptes d'épargne qui rapportent. Parfois il est indépendant complémentaire. Parfois il a encore quelques pensions. Bref, comme on le fait pour ceux qui demandent au CPS un revenu d'intégration sociale, eh bien, intéressons-nous au revenu réel de la personne pour être sûr qu'elle doit vraiment bénéficier d'une allocation. Et si, au bout de la phase dégressive des allocations de chômage, on estime que le chômeur a déjà trop de revenus par ailleurs, eh bien, on lui supprimera cette allocation. La question est la suivante. L'idée a du sens ou pas? À ce propos, voilà ce que disait Nathalie dans la première partie. Tout à fait normal. J'ai eu l'occasion de rencontrer des chômeurs qui ont notamment des bâtiments qu'ils ont transformés. Et ils ont parfois 2 à 3 appartements. Et avec ça, ils peuvent ils vivre. Ont donc des loyers équivalents à 3 loyers, par exemple, de 5 ou 600 euros, plus leur chômage, plus les allocations majorées, plus les bourses d'études, plus. Résultat, ils gagnent plus que moi qui travaille. Oui, mais, s'ils ont eu ces appartements au moment où ils travaillaient, on ne peut pas les pénaliser. Non. Parce que déjà, ils ont des prêts sociaux, des prêts par les organismes de fonds du logement, etc. Et donc, ils ont déjà payé moins cher pour le prêt. C'est vous qui le dites. Conversation en direct maintenant avec ce chiffre en tête. Hein. Le trou dans le budget, 4,2 milliards. Allons à Liège. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous êtes chômeur, oui ou non? Je suis chômeur, je viens d'être licencié il y a quelques mois de mon poste d'administration. Eh bien, si le projet passe et s'impose publiquement, quand vous serez au bout de la phase dégressive de vos allocations de chômage, on regardera vos revenus réels. Et si vous avez trop, on supprimera l'allocation. L'idée a du sens ou pas ? L'idée n'a aucun sens parce que je suis dans le cas, je suis propriétaire de trois bâtiments. Bâtiments sur lesquels, donc, pour faire vite, j'ai déjà été taxé, j'ai déjà payé une TVA et c'était de l'argent qui mettait de l'argent en propre et de l'argent gagné au fur et à mesure des années. Donc j'ai déjà été taxé sur cela. Deuxièmement... Une parenthèse. Vous avez trois appartements mis en location ou vous avez trois bâtiments avec plusieurs appartements ? Non, j'ai trois au total. J'ai deux maisons et un appartement. Ça, c'est le total de mes biens. Mais donc, il faut savoir que, en étant lorsque je travaillais, bien sûr qu'effectivement, les gens, et j'entends ici, la collaboratrice, Nawal, ou je ne sais, qui me semble tout à fait compte, mais il faut quand même savoir que ces choses-là, j'ai travaillé pour les avoir, c'est la première chose. Je me suis engagé dans des prêts à l'époque, prêts qui m'ont été accordés, évidemment, parce que j'avais des revenus. Et aujourd'hui, j'ai effectivement du chômage parce que j'ai toujours travaillé. Et à un moment donné, on ferait une mesure discriminatoire. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi ? Attendez, c'est une mesure de solidarité. Nous, on nous parle d'une mesure de solidarité à partir du moment où on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État et qu'on constate que vous avez encore des ressources. Le gouvernement, oui. Certains se disent, il a des ressources. Il peut encore faire un effort, il a des ressources. Mais je fais déjà des efforts, Benjamin. J'ai déjà payé 21% sur mes maisons. Aujourd'hui, j'ai déjà pris le choix de prendre des prêts hypothécaires sur le dos. Donc, on ne voit jamais que le revenu, mais on ne voit pas ce que ça génère comme dépenses également. Les entretiens des bâtiments, tout ce qui s'ensuit, c'est loin d'être facile tous les jours. Jacques, soyons de bon compte. Soyons de bon compte. Vous êtes libre de donner des chiffres ou pas, peu importe. Mais s'il n'y avait plus l'allocation de chômage, donc voyez le montant que vous aurez dans un an et demi, hein. Est-ce que vous pouvez vivre avec le revenu des appartements dans un an et demi ? À ce moment-là, non, puisque pour le moment, de toute façon, il y a des prêts hypothécaires en cours, et donc ce n'est pas possible. Et puis, il faut savoir également que c'est discriminatoire. Pourquoi est-ce que quelqu'un, à un moment donné, aurait droit et pas l'autre ? C'est un peu, on en revient au temps du noir et du blanc. C'est exactement la même chose, c'est du racisme financier. 100 millions ? Voilà, c'est une mesure. 100 millions ? Ça pourrait rapporter 100 millions ? Benjamin, à un moment donné, les 100 millions, il faut peut-être aller les rechercher, mais autrement que chez les gens. Et vous allez en plus avoir avec ça une fuite de capitaux. Je vous explique en quelques mots. À un moment donné, quand ça va, si la mesure passe, que va-t-il se passer ? Des gens comme moi vont revendre leurs bâtiments, récupérer du cash, réinvestir dans d'autres pays, comme par exemple en Espagne à Malaga. C'est une menace ? C'est une menace ? Vous menacez le gouvernement de fuite des capitaux ? Ben, à un moment donné, c'est pas une menace, ce sera une constatation. Ce sont déjà ce que font les entreprises quand il y a trop d'impôts. Elles fuient déjà. Par exemple, prenez Malaga, vous avez une société numérotée sur laquelle tant que vous payez votre impôt, vous n'avez aucun problème et que la Belgique n'a aucune influence dessus. Donc, en faisant ça, on va appauvrir la Belgique. On va encore, dans un premier temps, effectivement, récupérer un peu d'argent. Et l'État belge est très fort pour faire ce genre de choses. Ceci étant dit, faites le calcul. Hein. Quand on doit trouver 4,2 milliards, il y a les 100 millions de là, mais on imagine bien qu'on ira chercher dans d'autres secteurs aussi. Hein. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté possible, puisqu'avec 4,2 milliards, on se dit qu'il y aura plus que de simples économies, qu'il y aura peut-être de nouvelles taxes, et certains chuchotent aussi qu'on pourrait reparler d'une hausse de TVA. Bref, fin de la parenthèse. Jacques, merci pour votre franchise. Au chômage, mais avec trois bâtiments, deux maisons et un appartement en location. Demandons un avis à EY. Serge, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chômeur ou pas ? Non, je ne suis pas chômeur, mais comme tout le monde, j'ai eu des périodes d'inactivité dans ma vie. Alors, cette idée a du sens ou pas ? On contrôle à un moment quel est le revenu réel de l'individu. Et s'il a de quoi vivre par ailleurs, alors on dit, monsieur, vous n'avez pas vraiment besoin de l'allocation en ce moment. Alors moi, je pense que cette idée a du sens parce qu'elle amène une certaine équité. D'ailleurs, la notion d'équilibre des revenus intervient déjà au niveau du chômage pour les gens qui ont d'autres revenus du travail. Je pense à l'activité complémentaire, je pense aux artistes. Eh bien, ils vont déclarer une activité ou une prestation et le montant des allocations va être réduit ce mois-là, simplement pour des raisons d'équité. Oui, donc... mais Jacques vous a dit, moi, cette maison, d'abord, je l'ai achetée, je n'ai pas à être coupable, je l'ai achetée, j'ai payé des TVA, j'ai payé des taxes, j'ai déjà participé à l'effort de guerre sur ces bâtiments-là. Donc pourquoi me pénaliser ? Ma possession de bâtiments n'a rien à voir avec mon statut de chômeur. Alors moi, je ne veux pas pénaliser Jacques, bien évidemment, et je trouve qu'il est tout à fait normal qu'il perçoive ses loyers et que l'impôt sur ses loyers, bon, qui n'est peut-être pas encore suffisamment important, puisque sur chaque revenu, il doit y avoir pour moi un impôt qui doit être équitable, mais il n'est pas question de le pénaliser sur la perception de ses loyers. Par contre, que... Il est pénalisé par la force des choses. Si on lui retire son allocation de chômage et qu'on lui dit « tu n'as qu'à vivre avec tes loyers », qu'avec ça, il est pénalisé. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'a qu'à vivre qu'avec ses loyers. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, je ne parle pas d'exclusion du chômage pour raison de revenus, parce que les allocations de chômage, il n'y a pas que ça. Le chômage également permet une cotisation pour la pension et l'accès à la sécurité sociale, notamment la mutuelle. Mais je crois qu'à un moment donné, on doit être décent et se dire que si les revenus de Jacques sont suffisants, eh bien, il n'a pas besoin de la solidarité collective et que dès lors, il est tout à fait normal qu'en fonction de ce qu'il perçoive comme revenu, eh bien, il n'ait pas droit à des allocations de chômage. Deux éléments importants, Serge, que vous nous livrez. Hein. Le chômage cotise effectivement pour la pension. Si plus d'allocations de chômage, quid de la cotisation, bien sûr. Et ce mot que vous nous donnez, il faut être décent. Si vous avez de quoi par ailleurs, il faut être décent. Nous allons dans un instant à Charleroi, où nous attend Maria. Dans l'immédiat, Mélanie, je viens vers vous pour un éclairage. Est-ce qu'un chômeur, et comme ça on sait quelles sont ces autres sources de revenus dont on parle, est-ce qu'un chômeur peut avoir d'autres sources de revenus que l'allocation qu'il reçoit? Oui, tout à fait. Un chômeur peut, par exemple, exercer une fonction en tant qu'indépendant complémentaire. Si le chômeur était déjà indépendant complémentaire au moins 3 mois avant de perdre son emploi, eh bien celui-ci peut continuer son activité. Il faudra évidemment déclarer cette activité au moment de la demande d'allocation de chômage. Par contre, un chômeur ne peut pas commencer une nouvelle activité complémentaire alors qu'il reçoit déjà son allocation de chômage. Il faut également préciser que cette activité complémentaire ne peut s'exercer que pendant des horaires bien précis, après 18h et avant 7h du matin. Et il ne peut pas s'agir d'une fonction liée à la nuit, comme l'organisation de soirées ou un travail dans l'horeca ou encore gardien de nuit. Finalement, les revenus de cette activité complémentaire ne peuvent pas excéder les 3 797 euros par an. Si vous dépassez ce montant, eh bien les allocations de chômage seront revues à la baisse. C'est une source de revenus potentiel. Et puis, il y a ces chômeurs qui ont des comptes d'épargne et qui génèrent de l'argent. Et puis, il y a ces chômeurs qui ont des actions, qui ont des obligations, qui ont des revenus dits mobiliers. Charleroi, Maria, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est normal? Tu es chômeur et tu as d'autres sources de revenus, alors tu peux te passer de l'allocation. Ça a du sens? Ça a du sens, fortement, oui. Oui. Parce que quand je vois nos petits jeunes qui sortent de l'école, qui après 25 ans n'ont droit à aucun revenu, qui a des personnes, qui ont plusieurs maisons ici en Belgique et à l'étranger même, parce que j'en connais plus de 10 personnes qui le font, qui ont été chômeurs et en même temps qui travaillaient en noir, forcément ne travaillant pas pour un patron et étant chômeur, avaient tout son temps libre pour réparer leur maison, pour faire d'autres maisons et ainsi de suite. Mais on vous a dit que vous en connaissez vraiment? On vous a dit que vous en connaissez vraiment? J'en connais vraiment. Et qui ont quoi? Donnez-moi un profil. Je ne vous demande pas de nom, bien sûr. Mais donnez-moi un profil de gars que vous connaissez qui a un autre revenu que l'allocation. C'est-à-dire quoi? Quand vous dites ça, c'est quoi qu'un autre profil? Donnez-moi un exemple de chômeur, puisque vous en connaissez, qui a l'allocation de chômage, mais qui gagne de l'argent avec autre chose. Donnez-moi un exemple, si vous en connaissez un. Eh bien, qui gagne de l'argent avec autre chose, avec les revenus de leur bâtiment. Donc, et celui que vous connaissez, il a combien de bâtiments? Plus les revenus de ses bâtiments. Il a combien de bâtiments, celui que vous connaissez? Oh, j'en connais un qui en a 4 ici en Belgique et 2 en Italie. Et avec ces 4 logements, il pourrait vivre? Franchement, oui, hein, parce que ce sont des bâtiments qui louent minimum 500 euros. Donc ce sont des bâtiments avec même bâtiments complets avec 5 appartements. Oh oui, franchement, je pense que si je fais mon compte, ils gagnent bien 10 000 euros par mois. Maintenant, encore une fois, c'est une catégorie de personnes qui ont 50 ans, 50, 55 ans. Donc je pense ça a été un profit qui a été fait, pas maintenant. Hein. Donc ce sont des maisons qui ont été acquises pendant 30 ans de chômage. Parce que je connais ces personnes-là qui sont au chômage depuis 30 ans. Ah, donc c'est pas des gens qui ont acheté des maisons quand ils avaient un travail? Non, non, non. Pas de travail. Chômeur. Mais il y avait un principe, Maria, il y avait un principe dans ce pays qui était le suivant. Quelle que soit votre couleur de peau, vos origines, votre religion, votre profil, enfant, pas enfant, une allocation, ça ne dépend pas du profil de l'individu. Une allocation, c'est une aide que l'État donne à quelqu'un, quelle que soit sa couleur. Oui, ça, je suis d'accord, quand ils sont dans le besoin. Maintenant, il y en a qui ont profité de ce chômage et en même temps travailler en noir et avoir beaucoup de bâtiments. Mais je trouve pas ça logique parce que nos jeunes, ils ont le droit à rien. Exemple, un indépendant qui n'y arrive pas, quand il a fini son... qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qu'il arrête son activité, n'a le droit à rien aussi non plus. Donc on contrôle les chômeurs, du... on enquête. Allô ? On enquête ? On enquête. Qu'on enquête ? Vous m'avez dit ça, Maria, en connaissant un ami d'un ami qui a quatre logements, plus l'autre qui en a deux en Italie. On va marquer une nouvelle pause. Et dans un instant, à Beaumont, Thierry n'est pas demandeur d'emploi, il est en arrêt maladie. Eh bien, on verra s'il est favorable à ce qu'on aille analyser d'un petit peu plus près tous les revenus du chômeur. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée, sur Vivacité et sur la Une. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Au 070-233-466. Donc dans les sources de revenus du chômeur, il y a le compte épargne, il y a les actions, les obligations, mais il y a aussi ces revenus qui viennent d'un bien locatif. Et c'est toute la question, Marion. Est-ce qu'on peut être chômeur et propriétaire? Est-ce que c'est compatible? Eh bien, on me dit que oui, c'est compatible. On m'explique que ce n'est pas parce qu'un chômeur est propriétaire qu'il roule forcément sur l'or. Damien Delavoir est au chômage depuis 7 ans. Il a une maison qu'il loue. Et Damien est déjà tombé sur des mauvais payeurs, notamment les locataires en ce moment. Eh bien, une fois sur deux, il paye le loyer en retard. Alors, Damien se demande comment il va faire pour manger les mois où ses locataires ne le payent pas, tout simplement. Aurélie de Château, elle est au chômage depuis 2 ans. Aurélie a un appartement à Namur, mais c'est sa fille qui l'occupe en ce moment parce qu'elle est étudiante à Namur. Alors, Aurélie ne touche donc pas de loyer sur cet appartement, vu que c'est sa fille qui est dedans. Grégoire Degette est au chômage, lui, depuis 6 mois. Il y a 2 ans, il a acheté une ruine qu'il est en train de retaper, mais il ne savait pas cette année-là que, justement, un an après, il allait tomber au chômage. Alors, Grégoire est donc propriétaire, oui, mais son bien n'est ni habitable, ni louable. Grégoire ne perçoit donc pas d'argent sur ce bien. Comment il va faire pour manger? C'est vous qui le dites, c'est à Beaumont. Thierry, bonjour. Thierry, bonjour. Allô. Thierry, dans quelques instants peut-être. Alors allons à Chapelle-les-Herlaimont. Est-ce votre voix que j'entends au loin, Francesca? Bonjour. Je vous entends, hein. Alors attendez, on va essayer de mettre de l'ordre dans les lignes de ce matin. On commence par Chapelle-les-Herlaimont. Francesca en ligne, bonjour. Je vous entends. Francesca, non. Alors essayons Beaumont. Thierry, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, alors concentrons-nous sur cette conversation. C'est difficile, c'est le vendredi matin. Thierry, vous êtes en arrêt maladie depuis combien de temps? Depuis environ 9 mois. Un demandeur d'emploi qui perçoit des loyers, qui a des actions, oui, et qui a encore une petite activité d'indépendant complémentaire. Qu'est-ce, oui, qu'on en fait? S'il y a une activité complémentaire, indépendant, c'est un autre problème, parce qu'indépendant, ça permet beaucoup de facilités et beaucoup d'autres choses. Donc s'il devient vraiment un vrai indépendant, je pense que là, oui, on peut lui supprimer son activité. L'un complémentaire permettrait d'aller sur une vraie activité. Donc là, il y a un petit peu d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais pour toutes les autres manières d'avoir de l'argent, il y avait un chômeur. Si on prend le cas des habitations, ben, cette personne a peut-être travaillé toute sa vie pour avoir cette habitation. Elle a investi des milliers, des centaines de milliers d'euros. Chose qu'un chômeur qui va dire non, non, je suis pour, n'aura peut-être pas. En plus, il y a deux types de Thierry, j'essaye un raisonnement. Oui. Je vous soumets un raisonnement. Vous me dites s'il tient la route ou pas. Quelqu'un qui aurait acheté une maison à l'époque, il achète cette maison pour se constituer un petit matelas le moment venu. Eh ben voilà le moment venu. Il sait vivre avec son loyer et il laisse la location à ceux qui en ont vraiment besoin, ou il aide le gouvernement à combler ses 4,2 milliards de trous. Allons, Benjamin, s'il y a 4,2 milliards de trous, c'est la compétence totale du gouvernement qui en arrive là. Certainement pas la faute du chômeur qui a une maison. Lui, il a, avec un loyer de 5, 6, 700 000 euros même, il a toutes les charges, le locataire qui ne paie pas, il y a tous les aléas et tous les déboires que le gouvernement n'aura pas et qu'un chômeur qui n'a rien n'aura pas non plus. Solidarité, solidarité dans un moment de crise. Les 4,2 milliards, c'est pas ceux du gouvernement, c'est les nôtres. Cet argent, il a servi à financer des politiques qui nous ont tous servi. Donc, solidarité, le chômeur qui gagne des revenus dit stop à la location, d'accord ? Non, pas d'accord du tout. Non, non, ces gens-là ont travaillé, etc. Il y a deux types de chômeurs, celui qui se complaît au chômage ou celui qui n'a pas le bagage scolaire pour réussir. Ça, c'est un autre problème. Il y a celui qui a investi tout en gagnant de l'argent pour avoir pour ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et celui-là, on va le taxer. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord du tout, pourtant le gouvernement, dit-on, c'est une rumeur, hein, que donne La Libre ce matin à la une du journal, la rumeur dit qu'on se dirigerait vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. C'est la une de La Libre ce matin, vers un contrôle des revenus réels des chômeurs. Vous trouverez ça à la une de La Libre, juste en dessous d'un nouveau bâtiment à Anvers qui est surplombé par un diamant. Voilà pour la petite histoire. Chapelle Lerlémont en ligne. Francesca, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous acceptez qu'on y réfléchisse au moins, supprimer l'allocation des chômeurs ? Non, pas du tout. Écoutez, moi, je vous dis, j'ai travaillé 11 ans à la Sabena. Allô ? Je vous écoute. Voilà. J'ai travaillé 11 ans à la Sabena. J'ai travaillé 9 mois après la faillite de la Sabena, donc c'est que j'étais pas un trop mauvais agent. J'ai travaillé comme réceptionniste pendant 5 ans. J'avais travaillé auparavant, quand j'étais plus jeune, 3 ans dans une usine. Et puis, je me suis retrouvée au chômage. Ça fait 8 ans que je suis au chômage. Aujourd'hui, nous avons pris la décision avec mon mari de me mettre à sa charge parce que je n'arrive pas à trouver un emploi et parce qu'on me dit clair et net dans la figure que je vais coûter trop cher. Mais alors, vous allez garder l'allocation. Là, vous allez la garder. Oh, mais non, parce que je vais me mettre à charge de mon mari. Mais je vais me mettre à charge de mon mari. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à trouver d'emploi et malgré toutes les lettres de candidature que j'envoie, personne ne m'engage. Alors que je ne suis pas une chômeuse Francesca, invétérée. Même si vous êtes à charge de votre mari, percevez-vous des loyers d'un appartement ou d'une maison ? Ah ben oui, je perçois 3 loyers, mais je tiens à rappeler, et que ce soit bien clair pour tout le monde, ces revenus locatifs. Moi, je n'ai pas été en vacances pendant des années. J'ai vraiment souffert pour avoir chacun des revenus locatifs. Mais ils génèrent combien, ces 3 loyers ? Ils viennent d'une maison que j'ai achetée quand je travaillais. J'ai acheté une maison et j'en ai fait un immeuble de rapport. Je vous fais la question autrement. Est-ce que le total de ces 3 loyers est supérieur à votre allocation de chômage ? Alors, le total est supérieur quand les 3 loyers rentrent. Maintenant, ce qu'on ne calcule pas des 3 loyers, par exemple, je suis restée 1 an sans revenu locatif d'un des loyers parce que mon locataire s'est suicidé et il était géré par un avocat. Donc, du jour au lendemain, j'ai plus rien reçu. Quand il est parti, j'ai dû retaper tout l'appartement. Mais si quelqu'un au gouvernement se dit, je regarde la situation de Madame Francesca de Chapelle-Lerlémont et je vois qu'elle a un montant suffisant pour vivre. Alors, le montant suffisant, est-ce qu'ils vont se pencher sur chaque cas en disant, voilà, cette dame, il y a autant qui rentre. Mais qu'est-ce qui sort ? Et pourquoi ça sort ? Je vous rappelle, quand ce locataire est décédé, j'ai dû refaire tout l'appartement que j'avais fini 3 ans auparavant. Et avec 2 loyers, vous savez vivre ou pas ? Non, je ne sais pas vivre. Ah, il en faut 3. C'est important pour les chiffres, même si on tourne un peu autour. Les chiffres, disons qu'au bout de la phase de dégressivité, c'est un montant qui est quelque part autour de 1000 euros pour avoir une moyenne claire dans les esprits. Merci Chapelle Lerlémont. Il est 10h32, c'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime que les biens immobiliers de l'étranger uniquement doivent être recensés, mais pas les biens immobiliers de Belgique ? 30% estiment que seules les propriétés à l'étranger devraient entrer en compte dans le calcul des revenus réels. Avoir un bien à l'étranger est considéré comme un luxe et donc devrait avoir un impact négatif sur les allocations de chômage. Les biens immobiliers à l'étranger ne participent pas à l'économie de la Belgique, contrairement aux biens belges. RTBF Mobile Info, Stéphane. Toujours cet accident à Bruxelles, Benjamin, dans le tunnel Léopoldo au niveau de la sortie Isère. La bande de gauche est toujours neutralisée en direction du Midi. Ça ralentit dans le tunnel Georges-Henri vers la Cambre et entre les tunnels Saint-Quentin et Loire en direction du centre. Pour rejoindre la capitale et sur le ring, la circulation s'est fluidifiée. Attention cependant, si vous circulez sur le 42 Baptiste Prume à hauteur de Bellevaux, la chaussée est partiellement entravée par un pare-choc qui encombre la chaussée en direction de Prume. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange face à un petit événement, puisque PS et CDH auraient trouvé un accord pour supprimer la redevance TV en Wallonie, la fameuse redevance télé. Deux questions qui dérangent. La Sud Presse qui l'annonce, qui en est sûr. Mais est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, ils vont faire comment pour récupérer les 120 millions que génère la taxe? Il n'y aura pas une autre taxe? Des fois, par hasard, somme toute? J'attends un nom après la pause. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'aide cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. La ville, le stress, le bruit, stop! Au cœur du Brabant Wallon, laissez-vous séduire par la quiétude des jardins de l'Orne. Dans un écrin de verdure, appartements et maisons de standing s'offrent à vous. Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle à 5 minutes de Louvain-la-Neuve et 12 minutes de Nivelles. GDO.be. Les jardins de l'Orne, votre avenir, grandeur nature. Envie de découvrir votre future résidence? Rendez-vous à l'Esplanade du 19 au 24 septembre et sur GDO.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h, Servivacité. En télé sur la Une. Avec 11 médailles, les Jeux ont été fantastiques pour les athlètes paralympiques belges. 5 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Le Brésil a souri à la Belgique. Tournée générale. Un grand merci à tous nos athlètes d'exception. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Un petit événement donc, le ministre PS du budget Christophe Lacroix serait parvenu à finaliser un accord qui est donc quasi historique avec le CDH puisque ça fait des années qu'on parle de la suppression de cette fameuse redevance TV 100 euros par an. Vous vous souvenez de la vague d'huissiers qui allaient en Wallonie récupérer l'argent impayé puisque beaucoup de citoyens wallons avaient oublié de payer. Et donc Sud Presse nous annonce ce matin que c'est fait. En coulisses on le dit, c'est fait, il y a accord. Question qui dérange, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment fait? Et si c'est fait... D'accord, mais la taxe redevance TV, elle générait 120 millions. Comment ils vont faire pour combler le trou des 120 millions? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre taxe dans les cartons? Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous un nom? Oui, ben j'ai un nom, mais d'abord, je vous le disais, hein, tout à l'heure, j'ai tenté de joindre le ministre Lacroix. Mais malgré mes appels répétés auprès de son attaché de presse et auprès de son cabinet, eh bien, je n'ai pas reçu de réponse. C'est le silence radio de leur côté. Alors, on dit que cet accord a été passé avec le CDH. J'ai donc contacté le cabinet du vice-président du gouvernement wallon, le CDH Maxime Prévost. Celui-ci m'a précisé que les négociations étaient toujours en cours et qu'il y aurait une annonce officielle au moment voulu. Alors je me suis tournée vers l'opposition puisque la majorité ne s'exprime pas. Pierre-Yves Géolet est le chef de groupe MR au sein du Parlement wallon. C'est lui qui répondra à nos questions ce matin et sa position, eh bien, elle est très claire. Cela fait 10 ans qu'il se bat pour la suppression de cette taxe. Pour lui, les effets d'annonce ont suffisamment duré. durée. Alors après cet énième coup de téléphone, eh bien j'ai encore eu des nouvelles informations de la part du cabinet de Maxime Prévost. Apparemment, la question de la redevance n'a pas été abordée pendant ce conclave ou n'a pas encore été abordée pendant ce conclave. On m'a également précisé que le cabinet du ministre Christophe Lacroix allait publier un communiqué de presse dans les prochaines heures. Bon, on verra si Pierre-Yves Jollet a pu avoir des informations, lui qui est dans l'opposition. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Marion Standard. Et le problème pour Jean-Pierre de Rochefort, c'est la manière dont le gouvernement a tenté de récupérer l'argent de cette redevance en envoyant des huissiers il y a quelques mois. Est-ce que ça valait vraiment la peine de tout faire pour récupérer cet argent alors qu'ils savaient qu'ils allaient finir par la supprimer, la redevance ? C'est la question de Jean-Pierre de Rochefort. Bon, on annonce la suppression de la redevance. Est-ce qu'on en est sûr ? Première question. Deuxième question, si c'est vrai, les 120 millions que générait la taxe, comment on les récupère ? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre taxe ? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi, c'est à nouveau une question d'argent, vous avez choisi une conversation sur la folle rumeur dans les couloirs du gouvernement. D'après La Libre, on se dirigerait vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. Celui qui gagne trop grâce à d'autres revenus perdra son chômage. Est-ce que l'idée a du sens ou pas ? 070-233-466 par SMS au 3063. Verviers en ligne. Marcel, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Maréchal. Ça a du sens quand quelqu'un a des revenus pour survivre ou pour vivre par ailleurs, ne lui donnons pas une allocation. Écoutez bien, j'habite Verviers sans être verviétoise depuis 58 ans. Et Verviers, c'était une ville riche, une ville bien, etc. Avec des beaux commerces. Tout s'est dégradé. Vous n'avez plus que maintenant des tas et des tas chômeurs CPAS et tous gens qui trichent. Et on ne fait rien. Comment le savez-vous ? Ces gens trichent, donc ça veut dire qu'ils ont des revenus par ailleurs. Quel genre de revenus ? Rue de la Montagne, il y a un an ou deux, il y avait une maison avec 10 boîtes aux lettres. Et il y a des tas de maisons où il y a des boîtes aux lettres. Et qui était propriétaire de cette maison ? Ah ça, je ne connais pas le nom. Eh bien alors, ce qui compte, c'est le propriétaire. Est-ce que le propriétaire de cette maison était un chômeur qui avait des dizaines de loyers ? Je n'en sais rien, mais les gens qui avaient des boîtes aux lettres, c'était pour le chômage, dont l'épouse avait un logement social, et alors de gros chômages ou de gros CPAS. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont 1100 euros de pension. Marcel, vous voulez qu'on enquête sur les revenus des chômeurs et qu'on aille éplucher tous les comptes, y compris les petits intérêts générés par le livret d'épargne ? Je ne dis pas à ce point-là, ah ben c'est ça. Mais je trouve quand même qu'on devrait faire un peu plus attention ici à Verviers. Vous n'avez que des tricheries, des tricheries, des tricheries. Je vous repose la question, Marcel, parce que c'est ça. À un moment, on dira aux chômeurs, vous êtes à la fin de la période de dégressivité, vous arrivez au moment du forfait, on va maintenant analyser votre compte. Vous avez des actions, vous avez des dividendes, vous avez des livrets d'épargne, vous touchez une petite pension de survie. Tiens, vous êtes indépendant complémentaire, je vois un montant. Vous voulez ça ? Oui, absolument. Vous voulez ça, absolument, c'est très clair pour vous. Moucron nous appelle. Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes indépendant, dans quel domaine ? Les carrosseries. Vous voulez qu'on fasse ça ? Qu'on dise aux chômeurs, venez un peu me montrer vos comptes, monsieur ? Mais bien sûr. Pourquoi donner un chômage s'il gagne de l'argent derrière ? Avec une autre revenue, comme cette dame qui parlait, elle était au chômage pendant 8 ans et elle avait 3 loyers qui tombaient tous les mois. Mais excusez-moi, mais elle gagnait plus que vous et moi réunis. Ah ben Francesca, elle vous a répondu. Elle vous a dit d'abord, monsieur, j'ai un locataire qui s'est suicidé, donc j'avais plus que 2 loyers. Ça, c'est pas mon problème, ça, c'est pas notre problème. C'est son problème. Elle a voulu louer des appartements. Elle a des problèmes. On a tous ceux qui louent des appartements ont ce genre de problème. Des locataires qui payent pas. Ça, c'est le jeu. Moi, j'ai une carrosserie. J'ai d'autres problèmes. C'est le jeu. C'est le jeu. On a voulu jouer en louant des appartements. C'est le jeu. Oui, mais le principe de la location, c'est comme ça que c'était conçu. Là, moi, ce que je comprends pas, c'est que je connais des gens, et vous aussi, Benjamin, je suis sûr que vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont au chômage et qui trichent. Jérôme, justement, la location, elle devait nous protéger du jeu. C'était ça l'enjeu. On nous a dit, en Belgique, on met en place des systèmes d'allocation pour vous protéger du jeu. Pourquoi faire ? Moi, ici, je me suis renseigné parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai dur tous les mois. C'est extrêmement dur. En étant indépendant, c'est extrêmement dur. J'ai plus de 20 ans de carrière maintenant, avec en comptant mes années d'indépendant. Je suis resté 6 mois au chômage. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais autant gagné d'argent quand j'étais au chômage. Jérôme, je vous donne un exemple très concret. Imaginons ce fameux chômeur qui a des appartements et qui touche deux fois 450 euros de loyer. Il peut vivre avec ça, sans la location ? S'il touche deux fois 450 euros de loyer, ça fait 900 euros. Il touche déjà plus que moi si je retourne au chômage maintenant. Donc il peut vivre avec ça, c'est très clair dans les esprits. Vous êtes carrossier, Jérôme. On va au 070-233-466 avec des inquiétudes, Marion, autour de l'héritage. Le chômeur qui perçoit un héritage. Oui, c'est bien ça. Certaines personnes ont reçu des héritages et sont inquiètes. C'est le cas notamment de Vincent de Herculine. Lui, il est encore à l'université, mais il est déjà propriétaire de 3 maisons pour cause d'héritage. S'il ne trouve pas de travail directement après son diplôme, eh bien, ça veut dire que Vincent va devoir rester à la charge des parents parce qu'il ne pourra pas toucher de chômage dû à son héritage. Ce n'est pas normal selon lui, vu que sur son salaire d'étudiant, il y a déjà des retenues solidaires faites pour le chômage, justement. La conversation s'arrête ainsi. Tubize, Michel, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes au chômage ? 6 ans. Bon, c'est quoi vos sources de revenus complémentaires ? L'allocation, oui, mais vous percevez quoi d'autre ? Mais c'est pas compliqué, il faut pouvoir survivre, donc on travaille au noir. Je vous explique, mon épouse gagne 1500 euros, comme elle gagne 1500 euros au chômage, ou comme on est une famille, moi je n'ai droit qu'à 380 euros au chômage. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'on reçoit au chômage. Combien d'enfants vous avez, Michel ? J'ai 2 enfants à charge. Est-ce qu'avec votre travail au noir, puisque les 380, vous me dites que c'est pas énorme, avec le travail au noir, vous savez vivre ? Oui, là, je me débrouille très bien. Là, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas le choix. Bon, là, on est dans un nœud, parce que le monsieur de l'État va venir, va voir que vous avez des revenus suffisants pour vivre, mais c'est des revenus illégaux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais il ne sera pas le voir. Comment voulez-vous qu'il le voie ? Il va aller chez le voisin, et il va voir que le voisin, lui, il a des revenus légaux, des revenus de loyer et un compte en banque bien fourni qui rapporte de l'épargne. On lui supprime la loc à celui-là ? Pardon ? Votre voisin, on lui supprime la location ? Ouais. Celui qui a un gros compte d'épargne avec beaucoup d'intérêts. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a d'autres pistes qu'il faut explorer. 4,2 milliards de trous. Il y a la personne que j'ai eue au téléphone. Il y a une piste très simple, mais qui est vraiment hyper simple, c'est simplement d'aller regarder dans les grosses sociétés, toutes les sociétés, je vais vous donner un exemple, dans les sociétés informatiques, il y a un truc qui marche super bien, c'est ce qu'on appelle les carousels TVA, et je connais personnellement des gens qui ont fait des carousels TVA, qui sont partis avec 40 millions comme ça, ils ont fait 1 an de prison, et le restant, c'était du sursis, une amende de 50 000 euros. Michel, permettez-moi, mais vous détournez l'attention. Vous pointez le doigt sur le carrousel TVA alors que vous avez une activité parallèle illégale. Vous pointez du doigt un autre pour détourner l'attention. Non, je ne détourne pas. Je dis simplement que là, il y a de l'argent à récupérer. Qu'est-ce que vous allez récupérer chez un chômeur qui travaille au noir ? Mais quand c'est quelqu'un du CPAS, on enquête bien. Celui qui va au CPAS demander le revenu d'intégration sociale, il a le droit à une enquête. Alors pourquoi le chômeur n'aurait pas droit à une enquête ? Parce que ça commence à devenir un peu trop fort. Sur le chômeur, on fait tout et rien et n'importe quoi. Le chômeur est devenu la bête noire de l'État. On pense que tous les chômeurs fraudent et compagnie. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui sont honnêtes, mais il y en a d'autres qui ne savent pas vivre. Je suis désolé. Donc celui du CPAS, on peut enquêter. Celui du chômage, on n'enquête pas. Michel Tubize, Mont-sur-Marchienne. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez un emploi ? J'ai un emploi, je suis imprimeur. Rapprochez-vous du téléphone très rapidement, Thierry. Rapprochez-vous du téléphone, vous êtes trop loin et en plus en cours de route. Si on contrôle le gars du CPAS, on peut contrôler le chômeur ? Mais il faut arrêter de contrôler et les gars du CPAS et le chômeur. Parce que, bon, de toute façon, c'est comme je disais à votre collaboratrice, le gouvernement est toujours en train de dire qu'il faut encourager les gens à créer leur propre emploi. Ma femme a créé son propre emploi il y a une vingtaine d'années, du fait que, justement, elle s'est retrouvée au chômage. Et le fait de toucher le chômage lui a permis de oser se lancer dans son activité d'indépendant complémentaire. Et au bout de 20 ans, ben voilà, elle ne chôme plus. Donc, si on, en plus, ça c'est déjà une chose. Maintenant. Donc c'est un tremplin. La location, c'est un tremplin. Ben, ça peut être un tremplin. Mais si j'ai la location et mes revenus locatifs, j'ai double tremplin? Ben, ça peut être un double tremplin, évidemment. Mais si on commence à vouloir voir tous les cumuls comme ça des gens, mais qu'on voit aussi les cumuls des hommes politiques... Et si j'ai un triple tremplin, parce qu'en plus j'ai des actions, si j'ai un triple tremplin, j'ai encore besoin de mon allocation? Ben oui, puisque de toute façon, pourquoi est-ce qu'il faut toujours aller raboter au niveau inférieur, mais qu'on fasse d'abord, que les hommes politiques fassent d'abord, montrent d'abord l'exemple? Par exemple, le roi des Belges, l'ancien roi, estime que sa location n'est pas suffisante pour bien vivre. Thierry, il y a plusieurs conversations. Dans un budget de 4,2 milliards, il y aura sans doute une conversation sur les dotations, sur les salaires de ministres, et il y en a une sur les allocations de chômage. C'est celle que nous menons ce matin. On va marquer une nouvelle pause, et dans un instant, la taxe redevance télé qui disparaîtrait en Wallonie. C'est vrai ? Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Wallibilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Wallibilis.be. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Il paraît qu'on a un accord historique en Wallonie, PSCCDH, pour supprimer la redevance TV. Est-ce que c'est vrai? On appelle l'opposition dans un instant, puisque la majorité ne parle pas. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Daniel De Jette, c'est qu'à Bruxelles, en 2001, quand la redevance télé a été supprimée, eh bien, elle a été compensée par la taxation forfaitaire régionale. Cette taxe a provoqué la colère des citoyens, comme Daniel, qui avait fait le choix de vivre sans télévision. Alors Daniel met en garde les Wallons, ce qu'on vous rend, on vous le reprendra quelque part. Christophe Lacroix, le ministre du Budget, ne répond pas. Alors nous appelons le chef de groupe MR au Parlement wallon, Pierre-Yves Jeolet, bonjour. Bonjour. C'est un article à la page 17 de Sud Presse ce matin. Ça y est, la redevance TV semble enterrée. Un accord PSCDH en Wallonie, il n'y a plus. Est-ce que vous avez confirmation que la redevance TV wallonne est morte? Non, je n'ai pas confirmation. J'ai même l'impression qu'on dit maintenant qu'il n'y a pas vraiment d'accord sur le sujet. Ce qui est en tout cas très clair, c'est que le MR réclame depuis 10 ans la suppression de la télé-redevance, tout simplement parce que c'est une redevance qui est tout à fait obsolète aujourd'hui, qui est mal perçue. Je rappelle qu'au mois de juillet, les huissiers ont encore été récupérés près de 9 millions d'euros par rapport à des taxes redevances qui n'avaient pas été payées. Ça vous a choqué ou c'était indu? Alors on peut discuter de l'intérêt de la taxe, mais en attendant, elle était là. Donc ça vous a choqué qu'on récupère de l'argent dû à la Wallonie? Il y a deux éléments. Donc le premier élément, je trouve que cette taxe ne devrait plus exister depuis longtemps. Elle n'existe plus ailleurs, ni en Flandre, ni à Bruxelles. Et dans les pays européens où elle existe, c'est pour financer le service public. Mais deuxième élément, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est une taxe due, mais il y a un malaise parce que tout simplement l'administration fiscale n'a pas fait son travail. Et donc pour éviter la prescription de 5 ans, on a dû s'y prendre avec des huissiers pour aller récupérer le dû. Et donc je pense que c'est aussi une faille de l'administration fiscale qui en fait n'a pas bien perçu, qui n'a pas bien enrôlé cette télé-redevance. J'entends l'élément. Évidemment la facilité c'est de dire nous opposition, nous réclamons la suppression de cette taxe. Mais il faut parler de l'après. Elle génère 120 millions. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à ce que la Wallonie se passe de 120 millions ou vous êtes favorable à une autre taxation qui va remplacer la redevance TV? Alors, je ne suis pas favorable à une autre taxation. Je pense que les Wallons sont déjà suffisamment taxé aujourd'hui. Et donc, je pense que le pouvoir d'achat des citoyens doit être préservé. Et donc, il y a d'autres moyens de diminuer le train de vie de la région wallonne. Toute une série de subsides, toute une série de frais de fonctionnement. Je pense que la région wallonne a un train de vie aujourd'hui au-delà de ses capacités, au-delà de ses possibilités. Oui, mais quelqu'un va payer. Si on supprime des subsides, il y a quelqu'un qui en ce moment reçoit des sous et qui demain n'en aura plus. Donc, il y aura une victime. Vous savez, c'est une question de gestion et donc il faut justement voir à un moment donné l'optimalisation de l'argent public. C'est pas parce que c'est de l'argent public qu'on doit saupoudrer, qu'on doit subsidier à tout craint, qu'on doit politiser à un moment donné aussi toute une série de subsides. Et donc ce sont des choix. Ce sont des choix et donc nous privilégions la diminution des dépenses, donc des frais de fonctionnement, des frais de subsides. Et il y a, croyez-moi bien, des économies encore à faire aujourd'hui. Mais ce qui est tout à fait hypocrite ici, c'est que le gouvernement wallon, même s'il supprimait la télé-redevance, a déjà pris un nouvel impôt. C'est l'assurance autonomie qui est un impôt déguisé. Chaque ménage va bientôt payer 100 euros complémentaires. Attendez, parenthèse, sur une idée. Parce que le Sud-Presse dit c'est fait, on en a la confirmation et on nous dit que pour la télé-redevance, elle disparaîtrait en deux temps. Elle serait réduite de 50% en 2017 et puis en 2018, on la paierait plus du tout. Sur le en deux coups, ça vous va ? Vous savez, il y a dix ans, j'avais fait une proposition qui a été refusée par la majorité, d'ailleurs actuelle aujourd'hui, et je l'ai supprimée sur 5 ans pour justement que l'effet budgétaire soit amorcé. Et donc, ici, je peux évidemment comprendre que le gouvernement tente, de jouer sur le budget 2017 et 2018. Je dis simplement que si on l'avait supprimé il y a plus longtemps, il n'existerait plus aujourd'hui pour les Wallonnes et pour les Wallons. Et donc moi j'attends de voir ce que le gouvernement va proposer, mais ce que je crains surtout, c'est que de façon déguisée, comme je l'ai dit, avec l'assurance autonomie, où les ménages Wallons vont encore devoir aller de leur poche par rapport au budget wallon. Et ça, c'est inacceptable. Parce que, vous savez, la supprimer de 50%, imaginez déjà une administration fiscale wallonne qui n'en sort pas aujourd'hui, avec, je dis, toutes les erreurs qu'il y a eu depuis des années par rapport à l'enroulement de cette taxe, on va à nouveau compliquer beaucoup les choses. À un moment donné, c'est une question de responsabilité. Et je pense que le gouvernement aurait pu et devrait d'ailleurs supprimer dès l'année prochaine l'entièreté de cette taxe. Il paraît qu'il y aura une conférence de presse dans quelques heures, mais pour l'instant, le ministre Lacroix ne répond pas. Pierre-Yves Jéhollet dans l'opposition, ça a toute son importance. Vous êtes chef de groupe et maire au Parlement wallon et pas de confirmation à ce stade que la taxe a disparu. On marque une nouvelle pause et on va vers les enseignements dans quelques instants. C'est vous qui le dites. Conclusion de ce vendredi et de cette matinée. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces ? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Des carrelages, parquets et pierres naturelles. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. Ce dimanche, sur Vivacité, vous avez la parole pour commenter toute l'actu du foot. Dès 18h, c'est complètement foot. Avec David Oudret, Pascal Chimé et Benjamin Nicaise. Besoin de changer vos châssis ? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Mazda jette, c'est Dewey Car Center. Et jusqu'au 30 septembre, remise exceptionnelle sur toutes les Mazda de stock et super conditions sur les éditions suréquipées. Plus d'infos, dwcc.be. Mazda jette, c'est Dewey Car Center. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux. On prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez ! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emul Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Viva, viva, viva, viva, viva, cité. chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. La taxe redevance TV Wallonne qui est soi-disant morte, mais à ce stade, elle ne l'est pas encore. Sur la page Facebook, Zoé Boss. Et sur la page Facebook où vous êtes 41 527 à faire le débat ce matin. Et ce matin, nous n'allons pas lire une, mais trois réactions, dont celle de Jean-Luc qui nous dit « Et comme par hasard, cette taxe sera supprimée peu avant les prochaines élections et d'autres nouvelles taxes te verront le jour après. » Celui de Laurette, qui peut croire encore les politiciens? Elle a bien compris, la mesure passera en 2018 et serait supprimée en 2019. Et enfin Marie qui conclut par un adage peu connu, et la marmotte, elle emballe le chocolat avec le Père Noël. Vous avez choisi une conversation sur l'idée taboue dans les couloirs du gouvernement, on se dirigerait vers le contrôle des revenus réels des chômeurs. S'ils gagnent trop par ailleurs, on lui supprime l'allocation. Est-ce que ça a du sens? Eh bien vous aurez noté ce matin que les chômeurs qui avaient des biens mis en location ne se sont pas montrés très enthousiastes à l'idée de vivre avec une uniquement les loyers sans l'allocation, d'abord parce que leur bien a déjà été taxé, ensuite parce que des loyers ne permettent pas de vivre. Tous ceux qui ont trouvé du sens à cette mesure n'étaient pas chômeurs, c'est un constat. Enfin, l'allocation de chômage qui permettrait de se relancer dans la vie, ce serait son utilité. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Franco de Sarre-la-Bruyère. Franco n'est pas au chômage, mais il défend les chômeurs propriétaires. S'ils ont réussi à avoir un bien, ça veut dire qu'ils ont travaillé et ont essayé de s'en sortir pour l'acquérir et le payer. Les pénaliser parce qu'ils ont travaillé et investi, c'est l'idée la plus ridicule que Franco ait entendue. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces chômeurs qui ont plus que le chômage mais qui demain n'auront plus rien du tout parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Jacques de Liège à 10h15. Jacques est chômeur depuis peu et propriétaire. Pour lui, cette mesure est discriminatoire. L'argent, le gouvernement doit le trouver ailleurs. C'est discriminatoire. Pourquoi est-ce que quelqu'un, à un moment donné, aurait droit et pas l'autre? C'est un peu, on en revient au temps du noir et du blanc. C'est exactement la même chose, c'est du racisme financier. Les 100 millions, il faut peut-être aller les rechercher, mais autrement que chez les gens. Et vous allez en plus avoir avec ça une fuite de capitaux. Donc, en faisant ça, on va appauvrir la Belgique. La notion d'équilibre des revenus intervient déjà au niveau du chômage pour les gens qui ont d'autres revenus du travail. Je pense à l'activité complémentaire, je pense aux artistes. Eh bien, ils vont déclarer une activité ou une prestation et le montant des allocations va être réduit ce mois-là, simplement pour des raisons d'équité. Le chômage également permet une cotisation pour la pension et l'accès à la sécurité sociale, notamment la mutuelle. Il y en a qui ont profité de ce chômage et en même temps travailler en noir et avoir beaucoup de bâtiments. Mais je trouve pas ça logique parce que nos jeunes, ils ont le droit à rien. Exemple, un indépendant qui n'y arrive pas, quand il a fini qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, il arrête son activité, n'a le droit à rien aussi non plus. Donc on contrôle les chômeurs. On enquête. S'il y a 4,2 milliards de trous, c'est la compétence totale du gouvernement qui en arrive là. Certainement pas la faute du chômeur qui a une maison. Avec un loyer de 5, 6, 700 000 euros même, il a tous les aléas et tous les déboires que le gouvernement n'aura pas et qu'un chômeur qui n'a rien n'aura pas non plus. Je perçois 3 loyers, ils viennent d'une maison que j'ai achetée quand je travaillais. Mais je tiens à rappeler, et que ce soit bien clair pour tout le monde, ces revenus locatifs. Moi, je n'ai pas été en vacances pendant des années. J'ai vraiment souffert pour avoir chacun des revenus locatifs. C'est donc au stade de projet, ce qui n'empêche pas la réflexion, bien sûr, sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, à votre disposition. Profitez bien du week-end, voilà pour nos 2 heures de dialogue.